Qu'est-ce que tu manges là au juste? Bah, de la choucroute. C'est juste l'apéro là comment, enfin je veux dire. Bah oui. C'est même pas un snack, Pauline là. Le Bah podcast si. était sur les snacks, mais attends, Ah oui. tu l'as trouvé où ta choucroute? Bah au chalet de la marionnette. Ah ouais? Mais attends, mais ils en servent plus au chalet de la marionnette? Ça va Elle est être périmé ton périmée. truc. Vas-y, c'est bon. Hein. De toute façon, ça vole pas plus haut que ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la troisième saison de DLP Podcast. Et oui, on a arrêté de faire des pauses de 2 ans entre chaque podcast, n'est-ce pas Benji? Ah oui, bah à toi, parce que moi je suis Oui, arrivé il y a même c'est pas vrai, c'est 4 vrai, mois. mais c'est peut-être grâce à toi aussi, ça booste peut-être aussi Merde. un peu le truc. Et donc aujourd'hui, on va pas parler de restaurants, on Non. va pas parler de spectacles, d'attractions, Non. et Non. pourtant, on va quand même parler de bouffe. Ah oui, de la Mais bouffe. comment est-ce possible? Non, comment c'est possible? C'est juste que c'est de la bouffe, quoi. Ouais, c'est À ça. Puis Disneyland. à Disneyland, on ne trouve pas que de la bouffe dans les restaurants, forcément fast-food, service à table ou buffet à volonté. Il y a aussi des snacks. Il y a aussi des snacks et ça fait complètement partie de l'immersion du truc, puisque quand tu rentres sur Main Street, t'as par exemple l'odeur du popcorn. Tu vois, on va en reparler. Mais les odeurs là-bas sur le parc, ça fait vraiment complètement partie de l'immersion, quoi. Et aujourd'hui, pour parler des snacks, on va accueillir quelqu'un qui aime bien les snacks. D'ailleurs, elle met plein de photos de snacks. C'est Tout le vrai qu'elle temps. fait. Donc, Ouais. on va La accueillir reine de la Pauline. bouffe. Pauline, la reine de la bouffe. Oh On va t'appeler comme ça maintenant. non! Si! Donc Bonjour est-ce que Pauline. tu... Oui, déjà bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir Bonsoir et accepté notre bonsoir. invitation. Mais avec grand plaisir, pardon, merci à vous de m'avoir invité. Mais non, mais non. On va te laisser rapidement te présenter, voire rapidement ou pas rapidement, hein, comme tu veux, pour les gens qui nous écoutent, savoir un peu Bah ce que tu fais. voilà, bah moi je m'appelle Pauline. J'ai un compte Instagram qui s'appelle InstaPaulineDLP sur lequel je poste des photos et surtout des réels de Disneyland Paris. Donc voilà, c'est un Instagram où il y a de tout, où on partage notre passion et voilà. Ok, bah nickel, bah de toute façon vous aurez tous les liens dans la description. Ça va devenir un running gag parce que dans l'épisode précédent, Sen m'a fait remarquer qu'en fait je disais ça à peu près toutes les tous les quarts Ouais, en d'heure. plus. Voilà, mais lui C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il dis-nous préfère pas, on est bien rebondir dans la là-dessus. description. Vous l'écoutez, écoutez Ouais. le podcast d'avant, réécoutez-le et notez toutes les fois où il a dit je vais rebondir là-dessus, vous allez voir, c'est surprenant. Il a moins dit 10 fois en 30 minutes. Justement, Oui. je vais rebondir là-dessus. Minimum, minimum. Et donc, Benji, est-ce que tu peux nous préciser rapidement un peu la différence entre snack et... En fait, qu'est-ce qu'on va appeler snack? Alors, les snacks, en fait, enfin, comme tu as dit tout à l'heure, on va pas parler des restaurants, parce que peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast, peut-être. Mais on va parler des snacks dans le sens anglais du terme. Snack qui signifie grignotage. Tout à fait. Donc on va parler de ces petits produits simples qui se trouvent, ou compliqués, parce que des fois il y a vraiment des produits qui Y a paraissent des simples offres mais qui assez variées, sont. on va le voir, ouais. C'est ça. Qu'on achète pour manger sur le pouce, grignoter dans le parc, en flânant dans les allées ou avec vue. Sur une attraction qu'on aime, voilà. Donc on va parler uniquement de ça et des lieux où justement on propose Oui, on ces va aussi parler snacks. des lieux en question, pas que de la nourriture, mais de là où on peut les trouver. Comme C'est d'habitude, en fait, ça. comme on l'a fait avec les 2 premiers épisodes, on est sur une démarche un peu immersive pour la 3e saison. Donc on va faire un peu la même chose que pour ce qu'on avait fait avec le podcast sur les files d'attente pour la première partie de cet épisode. C'est-à-dire qu'on va faire le tour du parc, en fait, en partant par Frontierland. Et on va un peu découvrir les snacks sur lesquels on tombe et en débattre ensemble, voilà. Et justement, il y a des sujets qui font débat, parce que on en parlera tout à l'heure, mais je fais un petit teaser, c'est qu'il y a des endroits où il y a plus de magasins de snacks que Oui, d'autres. ben on va, ouais. En fait, c'est comme tous les épisodes maintenant, ça va être découpé en 3 parties. Donc, on fera ce tour du parc là dans la première partie. Ensuite, on va se concentrer plus sur l'offre saisonnière en fait, puisqu'il y a des snacks différents et qui sont vraiment précis pour chaque saison qui est créée sur le parc. Donc, Noël, Halloween, etc. Et ensuite, on parlera de Main Street, parce que vraiment, ça méritait, comme tu le dis, un chapitre entier, tellement il y a un nombre de snacks. Important qui est concentré là-bas, quoi, dès l'entrée du parc. Donc on pourra aussi réfléchir à pourquoi tant de trucs là-bas. Voilà. Et en plus, on est accompagné par Pauline, la reine de la bouffe. Hein. D'ailleurs, allez voir son Instagram. Ouais. Il y a beaucoup de photos. Oui, il y a des photos avec les petits sablés. Des... Voilà, les sablés. Ils sont tellement beaux en même temps. Comment ne pas les poster? Ouais. Ils sont beaux, mais est-ce qu'ils sont bons à manger, ça? On peut pas les manger. Oui. Ça, le truc. Ah bah oui, quand même. Alors, un petit reproche quand même. Vas-y. J'ai un petit reproche quand même à faire à Disneyland Paris. C'est qu'on a du sucré, du salé, etc. Mais niveau charcut, il n'y a rien. C'est-à-dire que... Alors ça, parlons-en, le saucisse-flard, où est-il? Où est le saucisson? Où est le saucisse-flard à Disneyland Paris? T'as des chips, des croque-monsieur. Messieurs, dames, qui travaillez à Disneyland Paris, si vous nous écoutez, le saucisse-flard, il est où? Voilà. Il est où? Mais je suis sûr que ça marcherait en plus. Oui, mais c'est sûr. Un bon saucisson. Après, voilà, on va aussi en parler, mais si le saucisson est à un prix... hors du commun pour trois rondelles, bon. C'est voilà. Clair, c'est clair. C'est fait avec des vrais morceaux de porcinet. Et donc, on va faire. Oh là là là là. Éloignez les enfants de ce podcast. Oh putain, elle est bonne cette blague. Et donc, avant de commencer à faire ce tour du parc, petite question pour Pauline. Toi, du coup, quand tu vas sur le parc, est-ce que tu es habitué à prendre des snacks? Est-ce que tu as des petites habitudes ou des trucs que tu aimes bien faire à ce niveau-là? Franchement, il y en a certains, oui, qu'on prend à chaque fois qu'on y va, parce qu'on sait vraiment que... En tout cas, c'est vraiment un truc incontournable pour toi de prendre un snack au goûter ou de... Ou oui, peu importe. Franchement, au départ, on ne le faisait pas trop et on a vraiment commencé à prendre des snacks il n'y a pas très longtemps, parce qu'on emmenait souvent nos repas. Oui, et finalement, d'accord. Quand on a... En fait, je trouve que les snacks se sont tellement développés que ça a donné plus envie. Vrai. Et du coup, là, on a commencé vraiment à... Maintenant, voilà, c'est important pour nous et c'est indispensable de prendre un snack sur le parc. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas forcément d'offres par rapport aux saisons, etc. Quoi. C'est vraiment depuis quelques années qu'ils ont instauré ça. Quand il y a eu la saison de la force qui est arrivée, etc., ils ont commencé à modifier ça. Quoi. Mm. Donc, on va commencer notre petit tour du parc. Et toi, attends. Ah, moi toi, t'as pas... Oui, toi. Bah... Allez, moi, c'est vrai, je te remercie de me renvoyer. Bah oui. Moi, tu vois, étrangement, je sais pas si étrangement, mais je mange pas tant que ça de snacks là-bas sur le parc. C'est-à-dire que j'ai ma petite tradition de boire mon café dès que j'arrive. Ouais. Et de boire un café au moins dans l'après-midi. Et après, en fait, je trouve que les fast-food et même les restaurants sont assez copieux pour pas que j'ai... que je ressente l'envie de manger dans la journée et j'ai pas la gourmandise d'aller vers un snack en fait parce que je suis plus salé que sucré donc c'est pas nécessairement des trucs qui m'attirent donc ça va aussi être une découverte un peu ce podcast pour moi et donc toi Benji dernière Alors moi je bouffe tout le temps des LP hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas un moment j'ai pas un truc dans la main. Il n'a pas arrêté la dernière fois, c'est faux. Non, je crois que c'est la seule fois que je suis allé, qu'on s'est vu. J'avais pas grand chose. Mais d'habitude, j'ai tout le temps. Dès le matin que j'arrive, moi, c'est direction Frontierland. Ouais, la direct, crêpe au toi, chocolat, tu pars à Frontierland. Ouais. Okay. Direct, faut en la crêpe au chocolat avec le café. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est me poser au niveau du le petit renfoncement dans Main Street, là, sur la ruelle, vers le Market House Deli, là, où il y a la petite terrasse avec les parasols. Mmh. Je prends un café et je me pose là et je regarde juste les gens passer sur Main Street avec le ciel bleu. C'est et tout vrai? Ça, c'est... Ouais, ça j'adore. Je me suis à jamais assise à ce truc. Alors, jamais. Il faut faire ça pendant les heures de magie en plus. Parce que ouais, ça, t'as c'est pas top. Grand monde, t'as pas grand monde, t'as la musique de Main Street et tout. Et ça te met dans l'ambiance directe. T'es posé en fait là. Ouais, t'es immergé à fond. Au KLM, c'est ça. Le podcast des jeunes. Donc on va pouvoir enfin commencer ce petit tour du parc. Donc toi, tu nous as dit que tu allais directement à Frontierland. Frontierland, les premiers trucs qu'on voit, c'est pas nécessairement un restaurant, enfin pas un restaurant, mais un endroit fixe où il y a des snacks, mais c'est en fait les espèces de petites roulottes, ces petits points comme ça qu'il y a. Je sais qu'il y en a un, par exemple, quand tu rentres, en face de BTM, il y a une espèce de petite roulotte, enfin, un petit stand à cet endroit-là. Il y en a un peu plus loin aussi, vers l'entrée de Big Thunder, il me semble. En face, ou quelque chose comme ça. Oui, pas loin, en face, ouais. Ouais, mais juste en face, ouais. Pas loin de, bah, du restaurant Fuento del Oro. Ouais. Et donc toi, ça t'arrive de prendre des trucs là. C'est là où ils vendent des crêpes, il me semble, ce genre de choses. C'est ça, en fait, c'est là où ils font crêpes, galettes... crêpes, galettes. Des crêpes, des gouffres. Galettes saucisses. Galettes saucisses. Bah là... voilà, voilà, t'inquiète pas, je suis sûr que ça marcherait. En ah, mais ça, mais moi, oui. Franchement, ouais, ça ouais, je suis sûr. Ouais. Galettes saucisses, ça marcherait. Hein. Oui, non, c'est là où je vais tous les matins. Enfin, pas tous, mais certains matins... Petit café avec vue sur le Big Thunder Mountain. Et oui, ce qui est bien, c'est que là, tu peux aller avec ces roulottes là, en fait, c'est que tu peux aller te poser un peu où tu veux, quoi. Tu vois, tu peux te mettre sur le banc que tu veux, où tu veux, tu peux prendre ta bouffe, même la manger en marchant, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pratique à ce niveau-là. C'est ça. Et tu t'arrêtes de temps en temps, toi, Pauline, dans ces roulottes là ou pas? Oui, alors je me suis arrêtée. La dernière fois que je me suis arrêtée à ces roulottes, c'était pendant la période d'octobre l'année dernière, ouais. À Halloween. Mmh. Il y avait, par exemple, le beignet au chocolat. C'était le beignet des abîmes, je crois, si je me trompe. Ouais, bah, pas. On va reparler tout à l'heure, sûrement, de toute façon. Ouais. Et ben là, ça, parce que c'est surtout là qu'ils vendent ces snacks-là d'Halloween. Oui, bah, oui c'est ça. C'est souvent dans ces stands qu'il y a justement les produits dédiés aux saisons. Et beaucoup moins dans les points fixes dont on va parler après. Quand oui. Je dis points fixes, c'est par exemple Last Chance Café, ben on peut transitionner là-dessus. Où là, pour le coup, il y a moins d'offres saisonnières, mais c'est plus des snacks fixes, en fait. Qui sont... Ce qui est bien aussi, c'est que finalement, c'est thématisé un peu avec le land. Enfin, c'est en accord. Puisque là, voilà, on a la carte sous les yeux. Il y a des ailerons de poulet, par exemple, à sauce barbecue. Il y a des nachos au cheddar. Voilà, des... Il y a le chili vegan aussi. Alors ça, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un snack, le chili? Je suis pas Je pense que oui, parce que ouais. Bah, tu peux le faire debout, tu sais, tu le grignotes. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de menu, donc au final c'est. Ouais. Oui, bah après tu sais, t'as la petite cuillère, quoi, tu marches avec. Enfin, j'en ai déjà vu marcher avec le chili vegan. Ouais, c'est sûr. J'ai pas le souvenir qu'avant. Enfin, là je vois vegan, c'est vrai qu'on a le menu sous les yeux, mais j'ai pas le souvenir qu'avant ils faisaient du vegan. Alors, je vais donner mon expertise là-dessus. Vas-y. J'y suis allé la dernière fois. En fait, le Last Chance, c'est un endroit où j'ai toujours bien aimé aller, en fait, parce que j'aime beaucoup le chili. En plus, c'est en face de Big Thunder Mountain, donc tu peux soit t'asseoir à l'ombre dans la petite terrasse qui est en face, soit aller un peu plus loin, là où il y a les tables, juste devant les remparts au bord du lac. Donc pour moi, c'est super de manger en face de Big Thunder. Et donc, je l'ai goûté, le chili vegan. Et alors ? J'ai été assez surpris parce que pour moi, il y a aucune. J'ai vu aucune différence quasiment avec un chili à la viande, quoi. C'est vraiment. C'est ils vrai. Ont réussi à. Je sais pas, à reconstituer un goût, enfin, je sais pas trop comment c'est fait. J'ai une copine qui est végane et qui a fait des lasagnes véganes. Ah ouais. Et c'était tellement bien fait, la farce, que t'avais l'impression qu'il y avait du bœuf. Mais là, c'était pareil, j'avais l'impression c'était qu'il y avait une sorte de farce d'aubergine. Et le chili, je le conseille, il est très bon, il est épicé bien comme il faut, vraiment, il était très bon, quoi. Donc je conseille le chili. Et après, ouais, effectivement, c'est peut-être le truc un peu plus lourd. Mais il y a aussi les nachos qui font pour le coup, ça fait vraiment snack pour le coup, ça... Donc voilà. Est-ce que vous y êtes déjà allé, vous, du coup? Alors juste deux secondes pour introduction. En parlant de nachos, il y a une excellente vidéo de chez Hyperion Studio qu'ils ont fait sur leur chaîne Instagram. Ouais. Ouais, où ils parlent des nachos et que justement les nachos, l'origine, l'une des origines proviendrait du parc Walt Disney. Ouais, Doritos notamment. Voilà, c'est ça. Oui, Doritos, voilà. Doritos. Et ils en parlent justement que ça... L'inspiration venait de là-bas. Vous aurez tous les liens en description. Comme d'habitude. Donc, où est-ce que alors, Pauline, t'as déjà mangé. Alors, Pauline, vas-y, t'as été mangé là-bas ou pas? Oh, la chance. Oh là là. Oh là là. Oh, la chance café. Last chance coffee. Last chance coffee. Non, jamais. C'est vraiment. Non. Non, c'est vraiment un des seuls. Mais parce qu'en fait, je trouve que. Alors... Je sais pas si c'est que moi, mais je le trouve vachement. Je veux pas dire caché, mais. En fait, c'est un peu... Tu vois comment dire? Tu passes devant, je veux pas dire, tu il fais est pas en forcément angle, attention. Oui, c'est ça, donc c'est un vrai point de passage au final. Voilà, c'est ça, et donc comme il tu tournes pas forcément la tête dessus, en fait. C'est clair, et comme il est à côté du Lucky Nuggets, qui lui, pour le coup, engrange pas mal de monde, il peut y avoir parfois un peu de fil ou quoi, on peut passer à côté, comme tu dis, ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est vrai que tu peux passer à côté. La grande différence avec celui-là par rapport au roulotte, c'est que t'as quand même un lieu abrité, si jamais il pleut, ou... Tu veux, comme tu dis, c'est un peu renfoncé ou c'est tu restes un petit moment intime avec ta famille. C'est super parce que bah, tu peux boire ton café là tranquille ou manger ton shit tranquille. Complètement. Voir et les gens passer, voir le BTM, t'es pas loin de Phantom Manor. Ça peut faire office de repas aussi, comme je le disais. Si tu prends un chili et les nachos, ben, ça te fait un repas en fait, largement consistant et te reprendre un snack plus tard dans la journée. Ah oui. Alors, ça peut... Non, en fait, je suis en train de faire le calcul, ça revient pas nécessairement plus cher. C'est vendu à l'unité, il n'y a pas de menu, mais oui, en fait, vous pouvez faire ça aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus consistant que ce qu'il y a dans les roulottes. Mais ça reste quand même de la nourriture, tu sais... type Tex-Mex, cowboy. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est le chili, pour ceux qui regardent les westerns, t'as toujours dans les westerns. Oui, directement dans la casserole, tu sais, dans la gamelle. Dans la casserole, il y a les haricots rouges là en train de les cuire et les manger directement. C'est plutôt pas mal. Donc, enfin, le Last Chance, est-ce qu'on valide niveau thématisation, bouffe? Moi, personnellement, je valide complètement. J'avais déjà mes habitudes là-bas. Ah oui, puis il y a du bois, tout ça. Ah oui. Bah c'est surtout le fait que tu peux te poser devant le Big Thunder Mountain, ça te met complètement dans l'ambiance, je trouve que c'est vachement sympa. C'est complètement ça, et en plus, Disneyland Paris, alors on va pas parler des restaurants, mais on sait qu'il y a quand même parfois un petit problème au niveau de l'attente dans les fast-food, on peut parfois attendre assez longtemps, et alors que là, généralement, il y a moins de monde, comme c'est un snack, ça va plus c'est plus rapide en fait, et donc ça peut être une solution pour éviter un peu le monde aussi. Ça reste un service au comptoir en fait, donc t'arrives, tu prends, tu t'en vas, c'est emporté, alors que le menu généralement t'as le plateau, tu vas avec ton plateau, tu cherches une place, c'est ça, il y a des limitations, voilà. Et juste les gens, si jamais vous mangez dans les files d'attente, je crois pas que ce soit autorisé, il y a des poubelles, il y a des poubelles, jetez-les, parce que ras-le-bol de tout, même dans le parc, il y a des poubelles tous les 10 mètres, prenez le temps de jeter les choses à la poubelle. Voilà, les employés sont pas là pour vous débarrasser, c'est un fast-food, c'est à vous de vous déplacer à la poubelle, ça coûte rien, donc voilà. C'était le petit coup de gueule. Le petit coup de gueule. C'est important de le dire, parce que... Soyez responsables. Non, mais c'est vrai, on respecte. On respecte le travail des cast members. Surtout que, voilà, on peut faire une petite parenthèse là-dessus aussi, mais il y a eu une petite transition qui s'est faite au niveau même écologique, puisqu'il y a plus de coups. Il y a par exemple maintenant, les couverts sont plus en plastique, mais en bois. Voilà, il y a eu aussi une petite transition à ce niveau-là. Oui, mais bon, ça quand même, faut les jeter quand même. Faut les jeter quand même. Oui, non, c'est clair. C'était une parenthèse à part. Et on donne ça, on donne pas les cuillères en bois à manger au canard aussi. Il y en a qui le font ça. J'ai vu un mec, non, il a pas donné à manger, j'ai vu un mec. En plus, c'est un adulte qui a jeté une cuillère en bois sur un des canards, qui est dans BTM. Et je lui dis, mais monsieur, c'est nul de faire ça, quel intérêt. Et puis le gars, il s'est mis à parler en espagnol. Donc, ne donnez pas du bois au canard, il ne mange pas du bois. Du coup, je pense qu'il m'a pas reconnu. Voilà. Donc, non, mais il a vu que j'étais pas content. Revoyez vos cours de science éventuellement. Voilà. Donc, on va continuer un peu dans l'allée de Frontierland, hein, puisque c'est un land qui constitue un peu comme une allée. Et étrangement, on va parler du Fuente del Oro aujourd'hui. Pourquoi étrangement? Parce qu'avant, en fait, c'était un restaurant, un fast-food, en fait. C'est ça, il y avait des menus que tu choisissais. Et depuis récemment, d'ailleurs, bah, du coup, c'est là-dessus où je l'ai mis dans notre ligne de conduite. Du coup, j'ai découvert que c'était un snack, ils avaient changé le menu. C'est ça, et c'est très récent, donc c'est vraiment dans l'actualité pour le coup. Donc, on va un peu parler du menu en question, mais... alors, voilà. Personnellement, c'était mon fast-food préféré de tout le parc. C'est vrai? Non. C'est vrai, pas vrai. Parce que j'adore la cuisine mexicaine. En fait, j'adore les faritas, j'adore tout ce qui est épicé, j'adore. Donc, je trouvais que c'était ce qu'ils proposaient là-bas, c'était vraiment original par rapport à un simple burger ou des choses comme ça, quoi. C'est marrant parce que c'est pas. En général, c'est pas celui qui fait l'unanimité. Non, et souvent vraiment. Même les gens l'aiment pas, généralement. T'aurais dit le Hakuna Matata où les gens se focalisent. C'est ça. Ils se focalisent là-dessus sur les frites de maïs, mais c'est vrai que la cuisine mexicaine ne fait pas forcément. Ah, ça plaît pas à tout le monde. Ouais. C'est ça. Parce que là, en fait, c'est vraiment de la cuisine mexicaine qui est proposée par rapport à Nation Café, où là, c'est plutôt. Vraiment, on est sur une cuisine mexicaine. Et d'ailleurs, c'est encore une fois bien fait parce que c'est adapté au lieu qui, lui aussi, est complètement thématisé mexicaine, architecture mexicaine, quoi. Donc, même à l'intérieur, t'as des. des espèces de reliques un peu mexicaines, des pots, des voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et du coup, c'est devenu un service au comptoir. C'est ça. Où tu te sers, mais ils ont gardé la situation avec les chaises, les tables, etc. Donc ça fait un peu bizarre d'avoir un service au comptoir et puis. Et puis un restaurant, un grand restaurant quand même. Un grand restaurant, ouais. Parce qu'en fait, quand on va parler, enfin quand on regarde la chaîne café, c'est pas très grand. On va en parler d'autres, c'est pas très grand. Justement, t'es obligé de chercher une place dans le parc pour pouvoir t'asseoir et te poser. Là, on a vraiment une grande place pour s'asseoir, etc. Et ce qui est bien avec ce restaurant-là, c'est que l'ambiance, elle est vraiment. Différentes quand tu arrives à la saison d'Halloween où là on a vraiment l'ambiance coco avec voilà Pauline, je m'en doutais avec l'ambiance coco, la statue du chien qui s'appelle Dante, c'est ça. Alors du coup Pauline, ton expérience dans ce restaurant là écoute, c'est pas un restaurant où j'allais souvent parce que c'est vrai que quand on mangeait là-bas, souvent ça me restait un peu sur l'estomac. Parce que c'est vrai que c'est quand même la nourriture mexicaine, c'est quand même. C'est très épicé. Hein, ouais. Et puis je trouve que c'est quand même. Faut digérer. C'est quand même. Ça peut être assez consistant, je trouve. Ah, c'est du. Si tu prends des fajitas, c'est du poulet, des légumes, ça reste quand même. C'est vrai, mais après, c'est vrai que ça dépend ce que tu prends. Après, c'est vrai que le menu était sympa, mais c'est pas celui qui. Voilà, me. Tentait le plus de tout. Mais après, je trouve que c'était un bon restaurant quand même. Je trouve qu'il a reçu quand même trop de critiques, pardon, souvent. J'entendais des personnes dire en fait, c'est surtout les gens qui disent ouais, c'est dégueulasse, il faut pas abuser. Pas du tout. Moi, je préparais les légumes devant toi et tout, hein. C'était vraiment. Mais c'est ça. Mais c'est même, je trouve, pour tout, les gens sont trop, durs, je trouve. Ils sont trop exigeants. On en a parlé pas mal de fois dans les podcasts précédents. Les gens sont toujours à. Tout critiquer. Voilà, c'est ça. En fait, ils veulent du haut niveau, mais à un moment donné, faut arrêter, je veux dire. Enfin, tu vas pas. Enfin, si tu veux du haut niveau, tu vas plutôt à l'auberge au Cendrillon. Mais voilà, c'est ça exactement. Où tu mets le prix. C'est ça. Tu mets 60 balles dans le menu, voilà. C'est ça. Là, tu payes quoi? Allez, 14 euros ton menu 1. C'est abordable. Faut arrêter. C'est abordable, ça reste bon et voilà, ça reste copieux, moi je trouve. Mmh. Leurs menus sont quand même copieux. Ouais. On fait une parenthèse de fast-food parce que t'as une petite entrée, t'as le plat et t'as généralement le dessert, donc ça peut être une glace ou peu importe, une coupelle de fruits. Donc quand t'arrives au bout, généralement, ça y est quoi. Ah ouais, c'est ça, complètement. Maintenant, c'est un snack. Et donc on peut retrouver, comme l'a dit Benji, pas mal de nachos. Il y a plusieurs formules, donc nachos salsa, nachos sauce cheddar. Alors il y aura une grosse concurrence qui va être faite à Hakuna Matata parce que j'ai vu qu'il fait des frites au maïs. De maïs aussi. Il y en a plein qui allaient à l'Hakuna Matata que pour les frites de maïs. Et heureusement qu'elles sont revenues. À un moment, il y en avait plus, ça avait été un peu le scandale. C'était horrible, non mais franchement, ils mettaient... T'étais déprimée ? Est-ce que t'étais déprimée quand... Bah oui, franchement, ils mettaient des frites... Normal, c'est dommage parce qu'on en avait déjà partout dans les autres. Oui. C'était vraiment les seules frites, je trouve, qui étaient vraiment. Mais déjà, bon, là, ils les ont remis, heureusement. Mais après, les gens ont quand même un peu râlé par rapport à ça. Ils étaient vraiment déçus, donc je pense qu'ils ont quand même réfléchi par rapport à ça. Il y a eu des problèmes, peut-être même au niveau des stocks ou quoi que ce soit. On peut jamais trop savoir ça, ce qui se passe. Non, c'est ça. Derrière, dans les coulisses, voilà. Mais c'est vrai. Mais de manière générale, ils écoutent les gens parce que, regarde, tu te souviens pas, ils avaient fait un menu Lucky Nuggets à 50 balles. Oui, ils avaient proposé une formule. Terrible, avec ils ont même pas fait, je sais plus combien ils ont fait, ça a pas duré longtemps. Ça a pas duré longtemps. Donc, ils écoutent comme les gens. Vrai que les frites maïs, t'entends souvent, notamment des jeunes qui ont pas nécessairement un gros budget, aller prendre une frite maïs comme repas parce que c'est des frites qui sont bonnes et ça fait quand même une panière entière de frites. C'est vrai que ça fait aussi, c'est un snack en fait, oui, comme quand tu vas à une barquette de frites, acheter une barquette de frites. Tu les as déjà goûtées, toi ? De quoi ? Max, les frites de maïs, tu les as déjà goûtées ? Oui, j'ai déjà goûté. Moi, j'adore. Ah, ok. Il faudrait trouver en fait une personne qui aime pas. Oui, mais c'est ça. Là, vu qu'on va, on va y aller la semaine prochaine avec Max à Disneyland, je propose qu'on teste les jalapenos et les falafels. On y va, on essaye. On va tester ça. Les falafels, c'est très bon en plus en général. Donc franchement, j'ai hâte de voir comment ils les font. Et c'est vegan en plus, tu vois. Ouais. C'est encore une fois, on a encore un plat vegan. C'est vrai que t'as vraiment l'impression qu'ils font de plus en plus attention à ça. Et assez original aussi, du coup, en restant dans le truc vegan, il y a une petite coupelle de fruits frais, de légumes frais plutôt. apparemment qui est vendu maintenant. Ils ont fait, il me semble, un peu la même chose au nouveau stand Vachkiri, on va en parler plus tard, qui a été installé au studio. Et il y a quelques années, tu vois, j'aurais jamais pensé que Disney mettrait en viande des fruits. En fait, une petite coupelle de fruits, c'est généralement, c'est vraiment des snacks un peu, voilà, des frites, des trucs un peu plus gras. Mm. Donc je trouve ça bien qu'ils proposent aussi des offres un peu plus light, un peu plus légères. Oui. Faut qu'ils élargissent parce que tout le monde ne peut pas manger tout ce qu'ils proposent. Je veux dire, il y en a, par exemple, il y a beaucoup de personnes maintenant qui mangent sans gluten. C'est ça. Donc, c'est pas évident. Il faut élargir au niveau des menus parce que sinon, après, la clientèle, elle va ramener en fait plus sa nourriture plutôt qu'acheter sur le parc. Ils sont obligés de toute façon. Mmh, exactement. Il faut satisfaire et alors, la diversité de leur clientèle. Petit même. Truc sympa, intriguant, on va retrouver de l'alcool dans ce nouveau stage. Puisque... Oui, ce que tu veux. C'est Pauline, c'est oui, il y a de l'alcool. Non, mais j'en prends pas, mais je trouve ça sympa. Oui, il y a des margaritas avec alcool, une frozen margarita, et il y a un truc, je crois que c'est alcoolisé, c'est ça. Il y a des bières aussi, si vous voulez, classique. Des bières, voilà. Topo, toujours Topo Chico, là. Tanguy, Lemon. Alors ça, je... Je sais pas ce que c'est. Ça va être c'est ça. Un cocktail, mais je sais pas. Topo Chico Tanguy. On va faire du fact-checking en live. On va vérifier ce que c'est pour vous. C'est une canette avec de l'alcool. C'est une sorte d'accord, donc c'est une boisson. C'est une boisson gazeuse au citron et avec de l'alcool. Un peu comme les San Pellegrino au citron, un truc comme ça, je pense. Mais avec de l'alcool cette fois-ci. Ok. Ah oui. Avec quoi? J'ai pas lu alcool. À consommer avec modération. Oui. Ah bah oui. Consommer de l'alcool avec modération. Mais tu regardes, c'est un des seuls qui le propose. Hein. Ouais. Mais on reste dans le thème mexicain, c'est-à-dire qu'on a frozen margarita. C'est vrai que c'est de l'alcool le thématisé. Topo Chico. Voilà. C'est thématisé, c'est-à-dire que tu prends un jalapenos avec un margarita, t'es au Mexique. C'est voilà. Ça. C'est clair. Ah oh oui, les jalapenos. Bah écoute, tu pourras les essayer aussi, tu y vas. Donc. Tu auras ce bonheur de nous dire après si t'as bien aimé. Oui. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour de Frontierland là, niveau snack. Donc moi je place quand même mon coup de cœur pour le Last Chance et j'en voudrais toujours un peu au Fuente parce qu'ils ont supprimé mon fast-food préféré. Donc, mais attends, la nouveauté c'est bien. Oui, mais... Ah oui. Bon, c'est vrai qu'ils ont rajouté de l'alcool, bon ok. C'est ça. À consommer avec modération. Ouais, voilà. À chaque fois qu'on le dira, alcool, faudra. Voilà, nous sommes dans la. Il faut rappeler, il faut rappeler. Nous sommes dans la légalité, voilà. Nous disons les choses, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, dans la. Mais quand tu regardes, il y a que deux, franchement, lieux à snack. T'as pas, à part les roulottes, on en parlera tout à l'heure, mais t'as vraiment que deux lieux. Enfin, du moins, à la base, il y en avait qu'un seul. Tu peux vraiment te poser où c'est prévu pour, ouais. T'en as qu'un seul, mais maintenant t'en as deux, quoi. C'est ça. Ouais. Mais après, voilà. Mais ça marche tellement bien. Je pense que ça marche tellement bien que. Et puis, vu qu'il avait pas trop. Je veux pas dire qu'il avait pas de succès, mais vu qu'il avait pas l'air de tant plaire que ça, ils se sont peut-être dit on teste ça. C'est possible. On va voir si ça fonctionne, et à mon avis, ça va très bien marcher. C'est possible parce qu'on les connaît bien. C'est souvent en fait qu'ils font des tests. Par exemple, il y avait une fois où le Conk-Out avait été transformé en buffet à volonté et finalement c'est revenu. Ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché. Mais là, je pense, comme tu dis, Pauline, que ça va fonctionner pour le coup. Moi, j'en suis sûre parce que les gens maintenant, je trouve, mangent un peu plus sur le pouce sur le parc. Ils prennent moins. Il n'y a pas forcément tout le monde qui prend le temps d'aller manger. C'est dans ça. Quelqu'un qui vient sur le parc très occasionnellement, il va privilégier de prendre, comme tu le dis, son repas à lui. De manger rapidement pour faire un maximum de choses. Nous, c'est un peu différent parce qu'on aime bien prendre notre temps. Voilà, une démarche un peu différente, mais c'est sûr que ouais. Après, le Covid n'est pas trop parce que t'as juste réservé maintenant dans le restaurant. Oui. Donc les gens maintenant, ils vont presque plus y aller et que du coup, ils mangent sur le pouce aussi. Ça pousse les gens à manger debout. Oui, je pense qu'ils n'ont pas le choix avec la situation. Ouais. Ils peuvent pas permettre de mettre trop de restaurants, de services à table ou de parce que c'est compliqué. Et puis il faut savoir, c'est que ils mettent des stickers au sol là, quand tu sors, quand tu veux rentrer dans le restaurant. Et quand on a été avec toute l'équipe la semaine dernière, on voit le Hakuna Matata, mais il y avait vachement de queue à l'extérieur, tu vois. Ouais. Et on s'est dit, oh la vache, on va pas pouvoir rentrer, il y a trop de monde et tout. Et en fait, quand on est rentré, il y avait personne. Eh oui, il y avait de la place partout. Eh oui. En fait, ça va vite, et en fait, à l'intérieur, il n'y avait pas grand monde. En fait, vu que c'est espacé, t'as l'impression que ça prend de la place et que tu vas attendre une heure. Et finalement, en fait, c'est juste parce que ça déroule tes distances. C'est ça. Et une fois que t'es dedans, en fait, on est rentré, on fait oh, en fait, si, il y a de la place, tranquille et tout. En fait, tout le monde a été découragé en regardant oh là là, le monde et tout. Faut pas se faire. Les gens, ils voient ce monde, c'est un effet. Tu vois le monde à l'extérieur, tu dis oh là là. Et oui. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que les gens, ils ont pensé la même chose que vous, ils n'ont pas tenté. Et finalement, Ah si, nous, on a tenté, on a mangé. Oui, bah, vous, du coup, vous avez tenté. Mais c'est vrai que les gens, ils n'ont pas forcément envie d'attendre une heure au resto. Ils préfèrent, je pense, attendre une heure pour faire une attraction plutôt que, c'est sûr. Que dans un fast-food. Donc c'est pour ça que ça fait c'est moins ça. De monde dedans, je pense. Bah justement, on va transitionner. On a parlé là du Hakuna, on va transitionner avec Adventureland. Alors, on va pas parler du Hakuna, puisque pour le coup, c'est vraiment un fast-food avec des menus... etc. Ça rentre pas vraiment dans le cadre du snack. Un des premiers snacks dont on peut parler, c'est le Cool Post. Comment le situer ? Il est dans un petit passage en fait en contrebas. Il y a des escaliers pour y aller. Il n'est pas dissimulé, mais ouais, il n'est pas dans une allée principale quoi. Et donc c'est là où notamment il y a eu pendant la saison du Roi Lion. Et il me semble qu'en fait il y est pas que pendant la saison du Roi Lion au final le croque-monsieur Simba. Oui. Oui, mais il y a encore. Ils il y a encore. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait il y est toujours. Même sans que la saison soit là. Alors on peut se poser la question, est-ce que le fait qu'il y ait eu le Covid fait pas qu'en fait ils proposent pas de nouvelles offres maintenant et ils épuisent un peu ce qu'ils avaient déjà lancé ou voilà, peut-être que ça perturbe un peu leur truc, mais en tout cas il y est toujours et bah, je trouve ça sympa parce que c'est encore une offre salée, ça permet de différencier des offres sucrées. Donc est-ce que vous avez l'habitude d'y aller là-bas au Cool Post? Je sais que c'est là où on était allé la dernière fois avec Benji notamment pour se poser et prendre une petite boisson aussi. Pauline? Bah moi j'y suis allée surtout quand il y a eu la saison du Roi Lion et la oui, fin c'est de l'année ça. Dernière quand il y a eu bah, les snacks justement, ils ont été il y avait le Mango Whip et celui-là on a voulu le tester et c'était là où il était vendu. Ça avait l'air donc, trop bon. Franchement, alors il est quoi, très déjà... bon. C'est la glace à la vanille, je pense. Avec ouais, c'est de Dole Whip. Du coulis à la mangue en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Mais ça, franchement, la chantilly. Oui. Je valide. Il est très bon. Il est très bon, mais moi je préfère le pineapple. Pineapple. Whip. Alors moi je préfère le mangue. Ah là là. Tu te calmes. Oh bon. Ouais. Ah ouais. non, le pineapple. Alors que pourtant la mangue, je préfère à l'ananas, mais le pineapple, oui. Pour moi, il est. Oh là là, c'est mon snack préféré de tous. C'est celui-là que je préfère. Tu sais tu sais que j'ai voulu en manger quand on y est allé. Il n'y avait pas. Non. J'ai été au Cool Post, j'étais au Café de la Pauline Brousse et il l'avait gardé. Il l'avait gardé l'année dernière et du coup, je l'ai pas trouvé. Et tu sais où il est le... Quand tu passes l'entrée d'Adventureland, là où il y a le Agrabah Café, il y a une roulotte. Et c'est... Et oh. Et il y a une silhouette de roulotte comme ça. Et c'est là où il est le pineapple. Oui, c'est exactement là, oui. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y était pas, Non. Au Cool Post, il n'y était pas. Au Café de la Brousse, il n'y a pas. Et à l'endroit où tu me dis là, je n'ai pas regardé. C'est pas possible qu'il n'y soit pas. Ok, donc il y a un espoir. Il y a un espoir. Moi, j'y crois pas trop parce que je l'aurais vu, je pense. Non, ouais, me dis pas ça. Il me semble pas avoir vu ce stand-là ouvert non plus. Ouais. Désolé. Alors, Disneyland Paris, ramenez. Écoutez, s'il y a un cast member qui nous écoute, s'il vous plaît, oui. Appelez Natacha. Peu importe, et vous lui dites. Appelez-la. De notre part, Edith, Pauline aimerait avoir sa glace à l'ananas. Oh là là. Oui. Voilà. Et si vous voulez vraiment me faire plaisir, mettez pas celle à l'ananas, mais celle à la mangue. Mais non, ils en mettent deux, une à l'ananas, une à la mangue. L'ananas, je trouvais écœurant, moi, personnellement. J'ai testé les deux. Ben, je suis d'accord. Et ben voilà, nous sommes d'accord. Parce qu'en fait, c'était tellement fort. Enfin, après, c'est bien parce que toi, après, moi, je suis pas fan d'ananas de base. Hein, voilà, quand t'es pas fan d'ananas. Voilà. Donc ce n'est pas un argument fondé là. Voilà. Si Pauline aime l'ananas, c'est compréhensible. Mais je le trouvais méga fort, l'ananas. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'en ai pris un deuxième en me disant le mec, il a trop dosé. Et en fait, pas du tout. Il était dosé pareil et c'était encore trop fort. Ouais. Donc, Et ce que j'aime bien avec le cool poste, c'est il c'est est à l'ombre, il me semble. Notamment. Il est à l'ombre, ça, c'est chouette. La situation. Il est très thématisé, alors que oui. T'avais à la Chance Café, qui est bon, c'est dans une baraque en bois, etc. Bon, c'est sympa. Devant, il y a une espèce, là, tu sais, de vieux vélo avec des caisses et des, c'est ça. Des panneaux. T'es dans la savane, en fait. Destination, tu sais, tu sens que c'est un peu un point de passage pour les aventuriers, un petit repère comme ça. Et t'as la fameuse petite caisse de Coca-Cola. Que tu peux ouvrir en fait, et quand tu l'ouvres, t'as des glaçons dedans et ça fait un bruit de bouteille de Coca-Cola qui, ouais, se décapsule. Et alors, quand tu vois ça, c'est terminé, t'as de suite envie de boire un coup, d'acheter un Coca frais, quoi. C'est ça. Et c'était vraiment dans la savane africaine. Et c'est juste. Je trouve que c'est une bonne transition parce que c'est dans un point de passage où oui. À droite tu vas vers le Gragraba Café et la Kuna Matata, etc. Et à gauche tu vas. et à gauche tu vas vers le colonel Atty et c'est ça, Indiana Jones. Et franchement, c'est un point de passage, ça fait vraiment une transition, et je trouve qu'il est bien placé. Et et c'est vraiment là, par contre, un service sur place, parce que par exemple, quand nous on y a été, il y avait vraiment 3-4 tables, c'est tout. Oui, c'est et, ça, j'ai dû voler une chaise pour allez hop mamie, donne-moi ta chaise. Mais c'est vraiment un point de passage et les gens s'arrêtent là. C'est-à-dire que tu sors vraiment de Frontierland et t'arrives à cet endroit-là. Mais, et c'est le prochain. Mais c'est là que tu vois que tout est pensé, parce que comme je disais, ça fait vraiment un peu point de passage pour les explorateurs. Et vu que c'est vraiment aussi un point de passage dans le parc et qu'il est un peu au milieu d'autres trucs, bah, c'est pensé jusqu'au bout. Et encore une fois, les snacks, bah, ils sont en adéquation avec là où c'est en fait. On disait que ça faisait très savane, bah, le croque-monsieur Simba, bon, bah, le roi lion, c'est complètement ça, quoi. Donc. Et puis la glace préférée de Pauline aussi. C'est sûr. Et en plus, c'est bien, c'est à l'ombre et tout, donc si jamais il fait chaud, c'est bien ici. Ouais. Ah oui. Et alors, il y en a un deuxième auquel je suis jamais allé, donc vous allez pouvoir un peu m'éclairer si vous y êtes allé. C'est le Café de la Brousse, qui est lui plus sur le passage pour aller vers Pirates, sur l'autre côté. Donc de l'autre côté, quand on est quand on sort en fait de tout le passage avec Agrabah, vous tournez. Alors moi, et l'orientation, ça fait pas. C'est pas trop ça, voyez-vous. Vous tournez à droite, nord-ouest. Vous tournez à droite, et ensuite vous allez ensuite vers Pirates et donc le chalet de la marionnette plus loin. Et c'est à gauche. C'est pareil, c'est un petit renfoncement. Il faut prendre des escaliers, il me semble. Sinon, tu dis juste en face de la Kuna Matata, c'est réglé. C'est vrai. Ben voilà. Ça fait. Oui, ben voilà. C'est juste en face. Vas-y, présente, c'est bon. C'est en face de la Kuna Matata, effectivement, en contrebas, pas loin de la zone fumeur, je crois, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Il me semble. Zone fumeur à côté. Ouais. Voilà. Mais ici, c'est ce qui est proposé, c'est à peu près comme le coup de poste. Hein. C'est pas exceptionnel. Oui, c'est la même chose. Par contre, ce qui est bien, c'est t'as pas grand place. Encore une fois, c'est dommage, mais t'es à l'ombre parce qu'il y a des pergolas. Je sais pas s'ils vendaient pas un hot dog nature une fois là-bas aussi ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être. Là, pour le coup, c'est pas vraiment thématisé du coup. Non. Jungle. À part si on trouve des hot dogs dans la jungle, je suis pas certain de l'information. Je veux dire, tu trouves pas des croque-monsieur dans la jungle. Oui, c'est vrai, mais bon. T'es dans le désert. Oh, un croque-monsieur. C'est bon. C'est bon. C'est vrai. Par contre, ce qui est bien, enfin pour ceux qui aiment bien le coin, la plupart te diront, c'est pour être posé à côté de la rivière, tu sais. Oui. Posé. Faudrait que j'aille faire un point. Ouais. Ah, c'est vrai. Pauline comprend quand je dis ça. C'est que tu te mets sous une pergola avec une glace, qu'il y a beaucoup de glace, ou le frappé ananas, ou le frappé mangue. Mangue. Tu te poses. Mangue, voilà. Ananas. Peu importe. Oui, mais il y en a qui aiment ananas, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et tu te poses, et puis t'es à côté de la rivière, sous une pergola, c'est plutôt pas mal. Bon, là, les places s'arrachent, hein, parce que t'as pas grand place. Oui. Ouais. Mais, voilà. Mais t'es vraiment, en plus, t'es au niveau de la rivière, quoi. Vraiment, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment. Mais y a pour se détendre, c'est gens... sympa aussi. Il y a des gens du Hakuna Matata aussi qui viennent. Oui, qui viennent s'installer là. Ici. Ah ouais? Oui, parce que des fois, il n'y a pas de place devant le resto. Dehors quand il fait chaud, quoi, et les gens se mettent souvent descendent au Café de la Brousse pour s'installer, ouais. Bah ils ont le droit étant donné que c'est à côté. Il me semble qu'il n'y a jamais eu de problème pour venir manger là si t'as pris au Hakuna Matata. Ok, j'avais fait gaffe. C'est vrai. Donc je crois que c'est aussi à peu près tout pour Adventureland. Alors il y a ouais, c'est vraiment en fait concentré un peu au même endroit du land au final quand on y pense. C'est assez proche, les snacks sont assez proches l'un de l'autre. Et on a aussi. Ça fait un grand vide. C'est quand ça. Tu ouais. vas... quand c'est tu viens ça. Faire la. Bah après, il y a tout. Alors. Ouais, c'est ça, il y a toute la zone un peu Adventurals où là. C'est bien qu'il n'y ait pas de snack à cet endroit-là parce que ça dénaturerait l'expérience, tu vois. C'est bien aussi de se perdre dans les dédales à cet endroit-là, voilà, de partir à l'aventure. Hein. C'est vrai que si tu as un snack dans le crâne, tu te dis. Oui, c'est ça, tu sais. À l'étage du jeu, ouais. Il y a un snack là que tu prends. Faut pas une petite bière. Mais c'est vrai que là, t'as, c'est ça. T'es à l'entrée en fait. T'as l'impression qu'ils sont à l'entrée de quelque chose. C'est ça. Là où dans Frontierland, c'est tout le long quoi. Ça, comme dit, ça fait une allée donc. Donc t'as l'impression que c'est tout le long. Mais à Fantasyland, c'est de nouveau beaucoup plus dispersé. Quand on va le voir, donc on continue notre petite promenade, on va longer donc Peter Pan's Flight, longer le labyrinthe d'Alice, et donc... Est-ce que tu aimes bien cette promenade, Pauline ? Oui, j'aime bien. Est-ce que tu te sens immergée ? Ah, complètement, là, je suis vraiment... j'imagine en même temps. Est-ce que tu as faim ? Ça va. Ça va, attends, c'est que le début. Attends, c'est que le début. Donc on arrive au niveau du labyrinthe d'Alice et de Teacups. Là, on retrouve, alors je change un peu l'ordre du déroulé pour ceux qui l'ont sous les yeux, on tombe sur le Match Art Refreshment. Vous m'excuserez pour mon accent. Pauline, tu peux nous le dire ? Le March Air Refreshments. Le March Air Refreshments. March Air Refreshments. March Air Refreshments. Et rafraîchissement du lapin de Mars, c'est ça ? Du lièvre de Mars. Du lièvre, oui. Vous voyez, on traduit même, hein, vraiment. Donc. Voilà. Bienvenue, rafraîchissement du lièvre de Mars. Donc là, c'est pareil. Comme je suis pas très snack, j'ai jamais rien pris là-bas, mais il me semble que c'est aussi tout ce qui est. Il y a des boissons comme dans tous les snacks, mais il y a aussi peut-être des crêpes ou des choses comme ça là-bas. Oui, à un moment, ils vendaient aussi la des gaufres, peut-être. Coco. Ah oui. Là, pendant la période du roi lion et de la jungle, ils vendaient une glace coco. Alors, je sais plus si c'était coco. C'était que coco, mais il y avait aussi un bout de brownie ou de cookie. Je crois voir, plus. De brownie, il me semble. Hein. Oui, il me semble que c'était... Et ben ça, ils ont vendu à un moment aussi. Oui, donc c'était vraiment lié à la saison pour le coup de... Ouais. Ah oui, ouais. Totalement. Bah, et du coup, là, ça reste thématisé quand même, parce que... Ah, c'est complètement... C'est dans la tasse de... Alice. Ouais, c'est Alice au Pays des Merveilles. Ouais. T'as la tasse à côté par exemple... du... Et t'as un tout petit coin dédié, mais vraiment tout petit, avec une théière géante et c'est ça, voilà. Une petite souris qui sort et ça fait de la fumée. Oui. On dirait qu'elle est bourrée, en fait. Tu te dis, mais dans la théière, il n'y a pas que du thé. Hein. Mais c'est la margarita du restaurant Del Oro, là. Mais oui, en vrai, c'est vraiment... Mais après, c'est que des trucs classiques, hein, parce que la plupart des gens, quand ils y vont, je les vois prendre qu'un café hein, ou un thé, et puis ils s'installent sur le côté. Oui, c'est ça, voilà. C'est là, généralement... Aussi qu'il y a les gaufres. C'est possible. Ouais, c'est fort probable. Mais parce que celle-là, elle marche bien aussi. Je sais que les goûts. Ouais. Là aussi, c'est un gros point de passage. Fantasyland pour le coup, est un land qui fonctionne. Ouais. Fantasyland, c'est un land qui fonctionne. Donc, oui. Donc, puis en plus, t'es pas loin, tu sais, du conte de fées, là. Des petits bateaux des contes de fées. Ouais. Et puis du train Casé Junior. Donc, bah là, justement, t'es pas loin, à cet endroit-là, t'as The Old Mail. Vas-y. Traduction. Le vieux moulin. Le vieux moulin, qui à la base n'était pas un snack. Non. Puisque c'était une attraction en réalité. Oui. Alors elle n'a pas tourné beaucoup de temps, mais en fait, quand vous voyez, quand vous passez devant, vous voyez qu'il y a des espèces de nacelles qui sont accrochées aux pales du moulin en fait. Et c'était une espèce de petite roue, du coup, c'était pas une grande roue. Mais c'est pas une attraction qui présente un intérêt. Exceptionnel, je sais. Moi, t'imagines, toi, quand tu vois le truc, tu dis, tu devais avoir une heure de queue là-dedans. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. L'attente, elle devait être. Et alors, je sais pas quelle est la vue qu'on avait, mais ça devait pas être non plus exceptionnel parce que c'est pas très haut, c'est un peu caché par le labyrinthe, c'est dans un coin, donc ouais. À la limite, la plus belle des vues, ça serait de l'autre côté. Mais. Oui. Ah, voilà, donc j'ai les dates sous les yeux là. Et ça a été ouvert de 1993 à 2002, donc quand même. Ah, quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que Parce qu'il faut savoir que c'était super bien, parce que lors de Noël, ils le thématisaient. Oui, il y avait alors... Avec les décorations d'un... Oh, il faut qu'on fasse un podcast sur le village de Belle à l'époque. Si tu veux. On fera un podcast sur les saisons passées ou quelque chose comme ça. Mais faudra... C'est vrai qu'à l'époque, il y avait à cet endroit-là, en fait, le village de Belle, il me semble que ça s'appelait comme ça, le village de Noël de Belle. Et en fait, ils avaient construit tout un petit village comme ça, avec, ben, pour le coup, plein de stands de snacks. C'était un marché de Noël, donc il y avait ben, tout ce qu'on trouve un peu dans un marché de Noël, comme confiserie, etc. Et c'était trop bien, ça aussi, c'était décoré, du coup. Et l'attraction, donc, de base, elle est issue d'un court-métrage des Silly Symphonies, donc du même nom, du coup. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, il y avait des espèces de... À Noël, ils mettaient soit des cadeaux ou des sucres d'orge, des trucs comme ça, dedans, oui. En fait, dans les... Parce qu'elle tournait pas. En fait, l'hiver, elle était fermée, l'attraction. C'est ça, ouais. Okay. Mais, bon, après, c'est bien, ils l'ont gardé quand même... Ça fait un beau élément de décor, mais oui, en fait, oui, quand oui, tu vois, toi tu le regardes, tu te disais pas, enfin, quand tu le regardes aujourd'hui, tu vois même pas comme une attraction. C'est ça, oui, oui. Tu vois qu'il y a une espèce de, ouais, de petit parcours là, ça fait comme une petite file d'attente, tu sais, quand t'es sur le côté. Donc, mais ouais, tu te demandes en fait à quoi ça servait, pourquoi il y a ça à cet endroit-là. Et... C'est ça. Donc ensuite, alors pour le coup, c'est pas un snack, mais ça permet de faire une parenthèse. Quand on va vers le pays des contes de fées, sous le pont, il me semble qu'il y a un stand à pop-corn à cet endroit-là. Oui. Et le pop-corn, c'est vraiment, bah, c'est un peu l'emblème de Disneyland, quoi. Puisque quand je le disais au début, dès que t'arrives sur Main Street, normalement, t'as l'odeur du pop-corn qui te prend et qui te donne. En ce moment, on l'a pas. Hein. Oui, en ce moment, c'est vrai que j'ai noté, quand je l'avais dit dans le live de Seth sur Instagram, quand je suis rentré dans le parc, c'est le premier truc que j'ai noté, en fait. J'avais pas cette odeur-là habituelle de. Du popcorn, mais est-ce que ça vous arrive du coup de prendre de temps en temps du popcorn là-bas? Personnellement, je l'ai jamais fait parce que je suis pas non plus un grand fan de popcorn de base. Mais... Non. C'est rare. Il y a longtemps. À la limite, ça pouvait être bien à l'époque où il y avait Illumination ou Dreams. En attendant de prendre un petit popcorn, ça pouvait être pas mal, mais. Pour le peu qu'on le faisait, c'est que des fois, ma fille voulait la box qu'elle est avec, tu sais, genre. Ah, mais voilà! C'est en fait, tu payais plus la box que le popcorn. Ouais, quoi, c'est ça. Mais une fois, j'ai pris. La dernière fois que j'en ai pris, c'était quand il y avait. C'était Halloween aussi. Il y avait la pomme empoisonnée. La pomme. Voilà, oui, ouais. Bah, celle-là, je l'avais prise. Et je trouvais que tu payais le tout 10 euros. Et si tu payais que le truc, c'était 9 euros. Donc 1 euro pour les popcorns, je trouve que. Complètement. Ouais. C'est... Autant manger. J'ai cette peur aussi. J'ai aussi cette peur, c'est que je suis quelqu'un de maladroit. Et j'ai beaucoup de respect pour les castes et j'ai peur de faire tomber le popcorn. Et si le fais tomber, je suis tellement maladroit. Ouais. Et je me dis, si je fais tomber le popcorn, je serais capable d'avoir un cast member pour prendre son balai et pour laver pour pas qu'il l'ait fait. Tu vois. Donc je ne suis pas. C'est aussi une des raisons, c'est psychologique. La peur de la maladresse. Mais... bah ouais, je te jure, je suis tellement maladroit, c'est un truc que je vais avoir dans ma main. Tu sais, puis genre, on va me demander l'heure, tu vois, je regarde l'heure et pouf, le machin il tombe, tu vois. Je suis exactement comme ça. Et alors, salé ou sucré? De quoi, le popcorn? Oui, le popcorn. Sucré. Sucré. Au risque d'être dégueulasse, beurré. Beurré? Ah ouais? Ouais. En fait, quand on a été en San Francisco avec mon épouse, voilà, la famille, on a été au cinéma et il y avait du popcorn et je sais plus. Et ils te proposaient de mettre avec, mais du beurre. D'accord. Du coup, mais tu sais, en plus, c'est comme le ketchup, c'est. Ouais, eux. Et du coup, je suis dit, c'est dégueulasse et tout. Puis au final, c'est passé crème, quoi. Non, okay. C'est vrai que beurré, c'est bon. Mais sucré, je trouve, à Disney, c'est... Je sais pas, c'est un goût... Moi, je trouve il est trop bon. Franchement, le sucré... Ah ouais, franchement. Donc un peu plus loin, on retrouve le... Alors, on continue toujours sur la route. Et là, pour le coup, on va recouper un peu plus en tournant pour aller vers Main Street. Et on a le Fantasia Gelati. Alors là, on peut parler parce que les glaces, vraiment, ça fait partie de mes passions. J'ai retrouvé les parfums, t'as vu? Ah oui, c'est fantastique, on a la carte sous les yeux. Vous pouvez aussi, vous pouvez aller sur le site de Disneyland Paris. Alors c'est un peu tard pour dire ça, mais et généralement, en fait, vous pouvez retrouver les cartes de certains snacks ou même aller chercher sur Internet. Au moins, vous pouvez, en même temps que nous, voir ce qu'ils proposent, etc. Donc bon, alors, bah, salle là, du restaurant, pour ceux qui vont, la salle du restaurant Del Oro n'est toujours pas à jour. Fuente del Oro n'est pas à jour. Non. Ouais. J'étais obligé de la récupérer sur Facebook, voilà. Donc là, pour le coup, au Fantasia Gelati, on retrouve, bah, c'est pas compliqué en fait, il y a des glaces, donc c'est... Alors, oui, voilà, la particularité, c'est que c'est vraiment des glaces à l'italienne, là-bas, logique. C'est bien, pour le coup, là, voilà, on est dans la thématisation. Alors qu'on retrouve des glaces ailleurs dans le parc, on va en parler plus tard, et pour le coup, c'est pas des glaces à l'italienne. Il me semble que c'est les Ben & Jerry's qui sont proposées. C'est au Gibson Girl, du coup, tout au bout de Main Street. Donc on en reparlera plus tard. Donc vous avez en fait deux offres de glaces différentes en fonction des goûts sur le parc. Est-ce que ça vous arrive de prendre des glaces là-bas? Et si oui, est-ce que c'est plutôt ici ou au Gibson Girl? Alors Pauline, moi j'en ai déjà prises là-bas. Franchement, je trouve qu'elles sont super bonnes. Franchement, je trouve que elles sont... Alors je suis en train de regarder les prix et je trouve que ça va. Parce que pour 3 boules, t'as 4,19€. Oui. Je sais pas si c'est encore la qualité. Si, si, voilà, c'est comme au resto. Je trouve que c'est abordable. Et, sachant et tu que peux c'est rajouter quand même... des trucs dessus. Tu peux rajouter, je vois, des Smarties, des pépites de noisettes caramélisées. Voilà, donc... C'est du surimi. Mais, ouais. Dégueulasse. Pauline n'a même pas... Du surimi. Mais attends, ça m'étonne de voir que sur le menu, il marque que vanille, chocolat, arôme, vanille, non, vanille, t'as vanille, triple chocolat, cheesecake fraise, banane chocolat. Voilà, parce que, ok, c'est moi qui ai le mot. Oh là, elle doit être stracciatella. Oh, ça doit être trop bon. Ah, ça, c'est excellent. Franchement, elles sont trop bonnes. Et quand il y avait, je me souviens qu'on les avait prises quand il y avait le 25e anniversaire, ils te mettaient le petit gâteau qui va dessus et il y avait imprimé dessus le truc. Bien. Franchement, c'était trop beau. C'est simple, mais c'était super beau. Ça rendait le truc, ça donnait un petit truc en plus, c'était top. Après, c'est pas tout le temps ouvert, hein. J'ai pas l'impression que c'est pas tout le temps ouvert et je prends pas souvent de glace là-bas parce que je trouve qu'en fait c'est pas un endroit hyper pratique pour se poser. C'est même pas nécessairement un endroit où je me dirais tiens, je vais me poser à cet endroit-là, c'est un peu en face de. Ouais, c'est ça, c'est au comptoir et. Tu prends ton pot, il y a pas vraiment un espace. Ouais. Faut aller se poser sur un banc quelque part. Oui, oui. Ouais. Oui, mais tu vois, par exemple, je préfère aller au Gibson Girl où là t'as vraiment un intérieur, tu peux aller à côté. Au Cable Car Bike Shop, te poser dans un des petits renfoncements là, donc puis voilà, c'est il y a tout ce truc là de Main Street, l'architecture victorienne. Je préfère me poser à cet endroit là, quoi. Mais ça reste quand même dans le thème d'Italie, parce que Fantasyland est divisé en plusieurs, on va dire, pays, c'est ça, ouais. Tu restes dans, parce qu'à côté, tu as juste le Bellano de thé, ouais, c'est ça, et tu restes vraiment dans, c'est dans la zone dans, vraiment Italie, ouais. Mais là, franchement, ouais. Ils auraient l'occasion de faire un clin d'œil avec Luca, je pense, parce que, étant donné que le film est sorti et que c'est c'est du côté italien, bon, on voit pas trop. C'est de vrai que si, c'est vrai que s'il proposait, je sais pas, ouais, un petit snack Luca, même pas une glace, mais autre chose. Un aquarium. Ouais. Non. Un aquarium Luca sur place. Venez voir. Ah oui, carrément. Mais vous avez déjà, enfin, à part toi, Pauline, que t'y vas souvent, enfin, quand tu passes devant et qu'il fait beau et chaud, t'y vas? Ou quand il fait beau? Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais en été, oui. Ça, peut-être une fois. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient ouverts tout le temps. Parce que des fois, oui, non, ils sont pas ouverts tout le temps. Non, ils sont pas tout le temps ouverts. Par contre, quand ils sont ouverts, c'est blindé de monde. Ah oui, ouais. Mais des fois, t'as des horaires où ça va. Tu peux vite. Il y a quelques horaires où tu peux y aller sans qu'il y ait trop de monde. Franchement, faut juste repérer les bons moments, en fait. Souvent, c'est pendant la parade, parce que les gens sont à la parade, donc il y a moins de monde. Mais il y a quand même, tu peux repérer les petits horaires où tu peux y aller sans qu'il y ait trop de monde. Donc voilà, on a fait le tour de Fantasyland. C'est en tout cas pour les vraiment les fast-food, fast-food, encore lapsus, hein, c'est pas possible. Les snacks un peu fixes. Donc ensuite, il nous reste un land, enfin il nous reste deux lands, mais le Main Street, on va le traiter en dernière partie. Donc on va se diriger du côté de Discoveryland. Alors là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose niveau snack. Il y a même rien. Il y a le Cool Station qui vend des boissons et pas grand. Des gaufres Dark Vador. Oui, c'est vrai qu'il y a les. Alors je sais pas s'ils sont là tout le temps, mais en tout cas durant la saison de la Force, il y avait vraiment tous les produits étaient à cet endroit-là quoi. Il y avait l'espèce de petit lu avec Han Solo. Han Solo à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et l'espèce de bébé Yoda aussi, le petit gâteau bébé Yoda dont les gens s'étaient un peu moqués parce que il avait une forme un peu bizarre, un peu enfantine quoi. Donc là, je dois avouer que cet endroit-là, à part pour acheter à boire, j'y vais jamais quoi. Surtout qu'il y a rien. Il y a rien. Ouais. C'est dommage, je trouve, c'est trop dommage parce que c'est mettre de côté un land où il y a quand même beaucoup de monde, il y a de la circulation. Puis il est quand même assez vaste, tu peux faire tout le tour de space, et là derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de snack en fait. Tu vois, donc... Peut-être qu'ils ont peur que les gens vomissent dans le Orbitron, tu sais. Ah oui, c'est dommage. Ou le Space Mountain. C'est stratégique, ouais. Voilà, ou Space Mountain, c'est stratégique en fait. Ouais, c'est, quand t'arrives, c'est marqué ne faites pas cette attraction quand vous êtes enceinte, quand vous avez mal les transports et quand vous venez de manger il y a 5 minutes. Tu vois. Après, tu vois, on parle de. Du coup, vas-y, pardon. Non, vas-y. J'allais dire, on pourrait dire pareil à Adventureland vu qu'il y a le Indiana Jones. Oui, c'est vrai. Ouais, mais t'as plus mal au dos que l'estomac dans Indiana Jones. Oh, ouais, c'est vrai. Au cervical aussi. Quoique c'est mieux. C'est mieux. Non, mais c'est mieux. Franchement, je l'ai fait il y a 2 semaines et c'est passé. Ah ouais. Moi, je préfère Space comme ça. Je l'ai fait du coup pour la deuxième fois, la dernière fois. Et quand même, Space fait beaucoup moins mal qu'Indiana Jones, quoi. Ah oui, largement. Oui, largement. Et donc, je disais qu'on parlait de snacks, mais c'est vrai que ce que pas mal de gens font, et même moi, c'est quand tu as Discoveryland, en fait, tu peux aller au Hyperion qui est pas un endroit où il y a de. Où c'est. Enfin, c'est un fast-food, mais tu peux aussi le prendre comme un endroit où tu peux aller goûter, chercher un snack, par exemple les gâteaux thématisés par rapport aux saisons, comme on disait. Tu prends juste le dessert ou une glace ou même juste une boisson. Et ce qui est sympa, c'est que tu peux te poser là, il y a toujours de l'animation en fait. Soit en ce moment, il y a le point photo, donc tu peux t'amuser à regarder un peu les personnages qui défilent, qui tournent, etc. Et tu as surtout les écrans où tu as des choses un peu différentes qui sont diffusées en fonction des périodes. Il y a une période où il y avait Star Wars Rebels. À certains moments, t'as les vieux dessins animés, les classiques Mickey, ou même les récents, c'est il me semble. Plutôt à Noël, ouais, qu'ils mettent les classiques Mickey. T'avais Pluto avec le petit chat, c'est le vieux là qui a eu un Oscar. D'ailleurs, ils font la pause goûter, je crois, ce qu'ils appellent le menu pause goûter. Et là, oui, voilà, il y a carrément. En fait, il y a cette offre là, ouais, de goûter. Mais je crois que ça doit être les 4 quarts là de Mickey, hein, au chocolat et un. Oui, t'as une boisson avec. Nature. Je crois que c'est ça. Ouais, regardez. Ouais, donc au final, il n'y a pas vraiment de snack dans le land en lui-même, mais t'as le plus grand restaurant du parc, quoi, qui peut faire office d'endroit où se poser et se détendre un peu. C'est ça, détente. Détendez-vous. Faites des bruits de bouche de mastication. Non. Oh non. Là, donc on a perdu à peu près 500 personnes. S'il y a 500 personnes qui écoutent. On est mal. Donc on va faire quand même un petit détour parce qu'on parle à chaque fois du parc Disneyland, c'est bien beau, mais on oublie les Walt Disney Studios. En même temps, c'est vrai que le parc est pas encore très très grand, très développé en termes de restauration, même niveau fast-food et service à table, hein, puisque service à table, y a le bistrot chez Rémy, et fast-food, à part en coulisses, il n'y a pas grand-chose, quoi, il n'y a même rien. Donc on va vite avoir fait le tour, mais il y a pas mal de roulottes, notamment là-bas. Où ils vendent pareil en fait les classiques, hein, les glaces, les crêpes, pas mal de roulottes. Et les snacks de saison aussi. Les snacks de saison, beaucoup, ouais, c'est pour ça. J'en parle pas beaucoup parce qu'on va en parler après. C'est pour ça qu'à chaque fois j'esquive. Mais donc il y a beaucoup de roulottes, un peu comme ce qu'on avait dit à Frontierland en fait. Et il y a aussi des coins où se poser, puisqu'il y a la terrasse Perrier qui est devant le Hollywood Tower Hotel, qui est pour le coup un grand espace un peu à l'ombre où c'est aussi très sympa de se poser avec la musique un peu jazz, décrépit, etc. Ouais. Et donc, il y a un nouveau point snack, justement, vraiment là pour le coup snack, qui a ouvert avec Cars Road Trip, c'est tout, hein, ils ont raccourci le nom, parce qu'à la base, il devait être plus long. Donc, c'est un carte, en fait, un petit stand qui est sponsorisé par la Vache qui rit. C'est nouveau, ils ont fait un nouveau partenariat avec le groupe Babybel, en fait. Et donc, vous avez que des trucs en rapport avec... La Vache qui rit, dont un croque-monsieur, qui est cette fois-ci avec le petit logo de Flash McQueen en fait dedans, devant, contrairement à Simba, et qui est à 8€. Alors ça avait fait pas mal polémique, parce que c'est vrai qu'un croque-monsieur à 8€, c'est un peu cher. Mais en fait, il faudrait voir, déjà, voilà, il faut voir la taille, il faut voir à quel prix était le croque Simba aussi. Donc voilà quoi. Ah, tu l'as mangé? Je l'ai mangé, ouais, parce qu'on a été, comme tu sais, il y a 2 semaines. Ils sont partis, les copains, faire 15 road trips. Ouais. Et je me suis posé avec ma fille, mes deux filles, sur la petite terrasse qu'ils ont aménagée. Je trouve le camion assez chouette, quand même. Ah ouais, le camion, en fait, le nez, il est en forme de triangle de vache qui rit. Tu as, quand si vous regardez des photos, vous verrez, le nez, il est en triangle de vache qui rit. C'est la couleur rouge de vache qui rit. Ouais, ouais. Il rigole, le camion rigole. Et quand tu prends ta vache qui rit, tu as une petite lanière rouge et bleue. Oui, tires. En fait, tu as ça sur les côtés. Tout est thématisé vache qui rit, en fait. C'est un peu pareil pour les parasols. Les parasols vache qui rit, quoi. Ouais, t'as envie d'en prendre un et de l'emmener chez toi, tellement qu'ils sont bien. Voilà. Tout est thématisé vache qui rit. Et j'ai goûté donc le Croc Lightning McQueen. C'est ça. McQueen. C'est comme le croque-monsieur Simba, c'est à peu près la même taille. Avec du fromage à vache qui rit, quoi. Voilà, alors je pense que le Simba, je l'ai pas goûté, ça va être du cheddar, non ? Ou un fromage Langda. Non, c'est pas du cheddar, c'est de l'emmental. De l'emmental, voilà. Classique, c'est une vache qui rit. C'est vrai que c'est cher. Ouais, c'est cher, j'avoue que c'est cher. Bon, il est épais, quoi, mais je connais pas la taille du Simba, mais je pense que c'est la même taille. Ça doit être la même chose. Hein. Je l'avais goûté, le Simba, ça a l'air. Du coup, voilà, t'avais une vache qui rit. Tu vois, et puis. Alors j'étais un peu déçu parce que, en fait, après il y a un copain qu'on a pris un autre. Le mien était pas cramé, mais le sien était cramé sur les côtés. Donc okay. C'était pas très sympa pour lui. Et t'avais une sorte de légumes à la sauce vache qui rit. Et en fait, les légumes, pour ma part, n'avaient pas de goût. Ça avait plus goût de vache qui rit, de fromage, que j'arrivais pas à sentir le goût des légumes. Je m'en suis tiré, je crois, pour 11 balles. Ou 12 c'est vrai balles. Qu'il y a la Piston Cup aussi qui est proposée. Par contre, j'avais mangé les deux, j'avais plus faim. Ouais, c'est ça. J'avais mangé le croque-monsieur et la cup. Ça, ce sera sans doute la même chose au Fuente, mais avec la salsa, sauce salsa à la place du coup de la sauce vache qui rit. Donc à voir si ça supprime pas aussi un peu le goût. Après, est-ce que j'ai pas eu de bol? Parce que comme je disais, faites-vous votre propre avis. C'est Johan. Je crois que c'est Johan. C'était cramé lui autour, du coup. Est-ce que moi je tombais sur une Piston Cup qui était le mec qui s'est pas foulé, je sais pas. En tout cas, je voyais qu'il y avait des légumes de vue, quoi. Mais au goût. Ouais. De vue. Par contre, pour 3,50€, c'est un truc volumineux, par contre. Okay, c'est très volumineux. C'est vrai. Ah ouais, c'est bien volumineux. Ah oui, j'avais mangé le croque-monsieur, j'avais plus trop faim. Bon, ce truc-là, ça m'a achevé. Mais je crois que c'est le fromage, si ça doit bourrer l'estomac. Ouais. Oui, c'est ça. Ça bourrait-il. Et ce qui est bien, c'est que tu as l'ambiance musicale. On en a déjà fait un podcast dessus, mais c'est années 50. Donc si t'aimes bien, pour le coup. Ouais. Et honnêtement, t'es posé, t'entends la musique des années 50. Le coin en soi, je le trouve très sympa. Hein, très sympa. Même la gare est très sympa. Les arbres qu'ils ont plantés, ça fait vraiment une petite extension et ça permet aussi d'amener les gens ailleurs et de disperser un peu plus sur le parc, quoi. Parce que s'il n'y avait que l'attraction, les gens iraient à l'attraction, mais comme il y a un point aussi de snack, ça permet vraiment de dispatcher les gens, quoi. Donc toi, Pauline, est-ce que ça te tente d'aller tester très thématique vache qui rit? Pour voir un peu le truc, parce que c'est sympa comme partenariat, pourquoi pas, franchement. À tester. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a le Epcot Corner qui, lui, pour le coup, est dans le Studio 1, qui est en fait un peu au bout du Studio 1, il me semble. Et pareil, c'est un snack assez classique. Hein, on retrouve des cookies, donuts, muffins. C'est vraiment ce qu'on trouve un peu toute l'année, en fait. Hein, donc, Il n'y a rien de... C'est bien quand tu veux boire un petit café. C'est ça, c'est pour prendre un café, une boisson. Personnellement, c'est pas un endroit où je me poserais, parce que le Studio 1, c'est un lieu de passage... que je trouve quand même assez bruyant, et c'est pas nécessairement là que tu vas te détendre le plus, quoi. Mais... Et des fois venteux. Ah ouais? Des fois venteux. Ouais, quelques fois, on a eu droit à des coups de vent. C'est vrai qu'il est assez proche de l'entrée, celui-là, de la sortie. Ouais. Mais même le fast-food, tu vois en coulisses, c'est pas un endroit où j'irais nécessairement me poser. Non. Ouais. Soif, si tu t'as soif, tu sais que c'est le plus proche, c'est ça, quoi. Oui, c'est quand ça. T'as soif, tu vas. Oui. Tu veux un café, là, c'est proche aussi. Après, t'as quand même des tables autour qui permettent de te poser. Voilà. Tu veux te faire un petit goûter café donuts, tu prends et puis tu t'assois. Mais c'est pas non plus... C'est un point vraiment, tu le prends et tu t'en vas, quoi. Ouais. Et donc, t'as aussi le Speciality Ice Cream qui est donc au milieu de l'Hollywood Boulevard, si on peut appeler ça un boulevard, parce que c'est vraiment pas très développé comme. T'as vraiment deux trucs en carton sur le côté pour te faire croire que t'es à Hollywood, mais je trouve que ça fonctionne pas nécessairement ultra bien, quoi. Et donc là, c'est la même chose qu'en fait ce que tu retrouves au Fantasia Gelati, si je dis pas de bêtises. Je suis jamais allé pour le coup à cet endroit-là prendre une glace. Et aussi thématisé en fonction des saisons, donc Marvel notamment. Ça dépend. Il y avait quand même la glace. Alors, mon souvenir, il y avait quand même la glace Black Panther. Ouais, d'accord. Alors que c'était pas la saison Marvel. Ah oui, d'accord. Ouais, enfin, j'ai ce souvenir-là. Alors, moi, c'est un peu confus, là, parce que, ouais, c'est... T'as l'impression que, des fois, il y a des snacks qui restent après les saisons, d'autres pas. Bah, par exemple, le croc Simba, qui est toujours là-bas, au Cool Post, donc, ouais. Après, ce qui est un peu écœurant, c'est qu'un peu comme le gelati, c'est pas souvent ouvert, en fait. Et, oui, c'est ce que je me disais, j'ai pas souvenir, là. Ils te proposent des glaces, tu sais, par exemple, là, j'ai vu une affichette de glace de Captain America, je suis putain... Je veux la bouffer celle-là. Et c'est fermé, là, ouais. C'est fermé. Ouais. Non, mais propose pas ça alors. Oui, c'est clair. Ne propose pas. Voilà. Mais j'ai souvenir d'avoir mangé la glace Black Panther, une glace toute noire. Elle était trop bonne. Bon, c'était méga sucrée. Hein. Ah ouais, ouais. Elle était méga sucrée, mais elle était très bonne. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des snacks qui sont fermés, et souvent les fast-food aussi qui ferment assez tôt, notamment le soir. Et ça peut être parfois un peu dérangeant puisque tu n'as pas beaucoup de choix. C'est soit le Casey Corner, quoi, globalement, qui est un snack, justement, dont on va parler plus tard, soit le Hyperion. Je trouve qu'ils pourraient faire un petit effort là, à ce niveau-là, vraiment sur les ouvertures des restaurants. Même à midi, il n'y en a pas tant que ça d'ouvert. Bon, en ce moment, ça peut se comprendre parce qu'avec le Covid, voilà, il faut faire quelques restrictions. Économiquement, ils ne sont pas nécessairement au top du top, mais ouais. Donc, je crois qu'on a fait le tour du parc, hein. Est-ce que vous avez apprécié cette petite balade? Ah oui, complètement. Complètement. Immergé à fond. Ah, j'ai faim. T'as faim? Mais tu vas attendre un peu pour manger parce que là, c'est l'heure de se fighter. Ah, oula. Et oui, c'est le premier défi, enfin. Oh. Ah oui, enfin. Alors, Pauline, vu que tu gagnes tout le temps, pour nos auditeurs, Pauline est une grande gagnante. J'en ai fait un dur. Voilà, Pauline, je tiens à prendre ma revanche. Oh non. Sympa. Hein, bon, arrête. Donc, quel défi on va faire aujourd'hui? À quoi tu nous as? Parce qu'on va s'affronter, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Alors, bah, en fait, c'est un des premiers défis que j'avais. Qui m'était inspiré du burger de la mort, ouais. Que Pauline avait réussi. Donc, du coup, Pauline va faire. Va écouter, comme toi, 10 musiques d'affilée, en fait. Ouais. Oh, et il faudra les ressortir. Ok. De votre cerveau fécond, bien entendu. Je ne doute pas que vous allez réussir. Alors, il faut savoir que Pauline a le record avec Danae. Elles ont toutes les deux 10. Et je... Oui, c'est ça. C'est toutes les deux qui ont 10. Je suis en train de regarder. Oui, c'est vous qui avez le record. 10. Donc, Max, c'est 7. Je regarde 6 ou 7. 7. 7. 7, 7, 7. 7, voilà, 7. Prête? Oui. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Allez, il est temps de ramener le troupeau. Quand tout s'embrouille. En vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Yeah! Quand on parlera de ce prince Jean qui fut un temps le roi, chacun dira de ce gredin quel triste souverain. Tandis que le bon roi Richard se bat chez les barbares. Je voudrais un bonhomme de neige, ou bien jouer avec moi. Tu te caches, on ne se voit plus. Dis, que fais-tu? Tu n'es plus vraiment toi. Nous étions sœurs et amis, mais c'est fait. Ce qu'ils voulaient que je fasse, je leur ai dit ce qu'il leur parlait. Comme je vais vous le dire en face, il faut creuser encore et encore. Trouvez qui vous êtes, il faut creuser encore et encore. Sans... Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Le boulanger porte son plateau bien garni. Sont fournis. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont étrangers. Dans les rues qui pleurent. Du grand, c'est un pro. La polo du show. Un monstre sacré qui met tous les monstres KO. Il n'est des personnes. Zéro, zéro. Il tire le banc. C'est un héros. Lui, le marmot qui ne disait mot. C'est zéro. Tigers coming down the track, coming down the track with a smoky stack. Hear him puffing coming round the hill, Casey's near the thrill, every jack and Jill. Every time his funny little whistle. On peut la faire, on peut la faire, on peut la faire. C'est pas sorcier d'être couturière quand on a l'art et la manière. Ce n'est pas une affaire avec un tine coquin, un ruban de satin. Quand elle ira danser Cendrillon, on sera la plus jolie. Bleu, ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore. Ok, alors Toy Story, Robin des Bois, La Reine des Neiges, La Princesse et la Grenouille, La Belle et la Bête, Hercule, Dumbo, Cendrillon, Cars et Aladdin. Oh la vache, je virais là du podcast. Et... Oh là là, bien joué. Ça fait... Et attends, le premier que t'as fait, la première fois qu'on t'a rencontré sur le... sur le Instagram, le live qu'on avait fait sur la photographie, ouais. T'as fait un 10 sur 10, là tu nous refais un 10 sur 10 quand même. Mais j'ai une bonne mémoire. C'est du dopage. J'ai une bonne mémoire. C'est du dopage. Non, c'est pas du dopage. C'est pas ça, du c'est dopage. La margarita frozen du restaurant des Ah, c'est ça. Non, c'est ça va. Les trucs de mémoire, ça va. Franchement, ça va. C'est pas. Ok. Bon. Est-ce Max. Que... Oui. Bon. Mais du coup, je peux même pas la battre. Si tu fais égalité. Je peux faire égalité, mais égalité, ce n'est pas du challenge. Moi, je veux la battre. Oh là là. Mais lui, en 11 alors. Ah oui, vas-y. Je... J'étais humain, je filmerais à la Nouvelle-Orléans et je deviendrais le king du swing, le meilleur de tous les temps. Il y avait Louis Armstrong, Mister C. Alors, Small World, C'est ça. Ok, j'ai un point. Yes, let's go. Zootopie. C'est ça. Star Wars après, ouais, peu importe. C'est ça. Quoi, voilà. Bon, bah, il était une fois, tu m'as donné la réponse. Ouais, oui, parce que, quand on sait pas, je donne la réponse. Je sais pas, je connais pas les films. Si, tu le connais, puisqu'on en a parlé dans les films. On l'a regardé. C'est La planète au trésor. Ouais, c'est ça. Ok, oh putain. Pirates des Caraïbes, l'attraction, du coup. Ouais. Attends, après, c'est un truc que je connaissais. Bon, je sais pas, je vais pas réfléchir 36 ans, vas-y, je sais plus. Ah, attends, je vais t'aider. Non, c'est de la triche, je refuse d'avoir okay. Un point comme ça. Tu refuses, donc t'as 6 points. Vas-y. C'était ensuite La Princesse et la Grenouille, c'était oui, okay, d'accord. L'Alligator. Après, c'était Robin des Bois. Okay. Après, c'était Bernard Bianca. Il faut forcément Bianca. Que tu le cases, hein, celui-là. Et Vaiana. Bernard Bianca avec SOS Société. Ok, bon, bah, j'aurais dû prendre le facile. Mais non, franchement, il était pas mal celui-là, je trouvais. T'avais un peu de tout. Oui. Il était bien. Bah, c'est cool. Attends. Et oh, vous êtes bien débrouillé. Bon, Pauline, voilà, c'est même quand on met des trucs. Non, mais bravo, Pauline. On l'invite plus, c'est merci. Bon. Il a la haine à chaque fois. Oh là là. Mais non, c'est très bien. Bravo, en fait, Pauline, pour cette victoire. Merci. Oui, bravo. Non, mais la complexité, c'est de reconnaître quand même déjà le truc. Faut déjà que tu reconnaisses. Bah, c'est mon après, problème à chaque fois. Je reconnais pas les trucs. Non, mais Max. Moi, j'en veux un juste avec des musiques du parc. Voilà. Tu sais que j'ai failli mettre à Max le générique du Faucon et du Soldat de l'Hiver. Oh non. Oh, purée. J'avais hésité à le mettre. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas, écoutez l'épisode spécial 100% Marvel où il y a un running gag durant tout le live qui est devenu un podcast du coup où en fait, tout le monde a vu Winter Soldier et le Faucon. Voilà, je ne dis même pas le truc dans l'ordre, vous voyez. Voilà, non mais ça sauf prouve moi. Tout, ça prouve le niveau là. Non. Alors en plus, tu était bien ce live là, il était bien ce live, on a bien rigolé. De quoi ah, oui, franchement c'était truc. Top. Bon bah bravo Pauline pour cette victoire. Oui, bravo quand même, je dis quand même bravo. Merci, voilà. Merci. Bravo à toi Max. Bravo, bien joué, voilà. Voilà, mais ça t'a plu Max les ajouts d'attractions ou pas ça change oui, un peu moi j'en veux un que avec des attractions. Eh ben, donne. De quoi cela donne. En anglais, ça veut dire c'est fait. Ah, ok, d'accord. C'est fait. Parce que, comme tu l'as dit en français. Donne. Donne. Bien, ben, bon, on va pouvoir passer à la deuxième partie du podcast. Et on va commencer avec Halloween. Préféré Pauline ? Oui, franchement. Ah oui ? Pourquoi ? Ouais, mais c'est dur de choisir avec Noël aussi. Et puis là, cette année, on n'a pas pu faire Noël, enfin, aucun de nous. Oui, donc, c'est sûr. Si ça se trouve. On avait droit à sur YouTube de Disneyland, 8 heures de musique. De... oui, c'est vrai. Donc, voilà. ça permet de compenser. Non, mais c'est une bonne initiative au moins. Pour pas oublier, oui. Oui. C'est incroyable. Team Halloween pour Pauline. Oui, j'aime trop Halloween. C'est vrai que ça se bat vraiment entre Halloween oui, et oui, à chaque fois, on passe la question aux invités. Même moi, pour moi, c'est compliqué de trancher, quoi. C'est vraiment complètement différent. Ah, c'est dur. C'est dur. Non, c'est trop dur. Ouais, c'est... Mais comme on l'a dit déjà plein de fois, c'est vrai qu'Halloween, au niveau déco, il y a pas mal de choses, quoi. Entre Frontierland, qui est sur le thème de Coco, et Main Street avec les fantômes. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est la musique qui change à Main Street. Oui. Suivant la saison. Surtout à Noël, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme snack à Halloween ? Alors, il y a un peu de tout. Là, je vois notamment qu'ils avaient fait un partenariat avec Fanta. Il y avait une espèce de Fanta noir, en fait. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a goûté, si c'était le Fanta classique. Ou... Pas du tout. Alors, j'ai cru comprendre que c'était un Fanta classique. C'est juste que, en fait, c'est en forme de gourde maléfique, tu sais. Avec... Alors, il y a un truc qui m'exaspère et à chaque fois, c'est les sablés. Oui. On en a à toutes les sauces. J'allais tout en le temps. Aussi, oui. Ah, c'est vrai, bon, bah, je t'ai devancé. T'en as à toutes les sauces tout le temps. C'est. Je trouve ça insupportable. Donc, il y en a beaucoup mais... qui On peut avoir le débat maintenant. C'est vrai que c'est très bien qu'ils fassent des offres différentes à chaque saison, qui thématisent en fait. Mais que ce soit dans les snacks ou dans les menus de fast-food, c'est toujours un peu la même formule qui se répète. Ça va être un petit gâteau dessert cupcake qui va être différent en fonction de la saison, juste des sablés en forme différente. Mais au final, c'est toujours un peu les mêmes produits, mais qui sont un peu designés, enfin designés entre guillemets, thématisés en fonction des saisons, quoi. Donc. Oui, et puis t'as pas cette sensation d'innovation. C'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'ils te font un sablé lors du Roi Lion. La saison du Roi Lion et de la Jungle, du Roi Lion et de la Jungle, ils te font des sablés Bagheera et Baloo. T'as les mêmes Halloween en Jafar et oui, Fruella, voilà, quoi. C'est ça, quoi. Les muffins, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu mets 3-4 citrouilles en décoration ou les cookies, c'est pareil que ça fait ça. C'est-à-dire que on a l'impression que les snacks sucrés ou salés classiques. Ils font juste les rethématiser. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas. Ils pourraient faire par exemple des espèces de trucs comme tu vois comme on parlait tout à l'heure du pineapple wipe, un truc comme ça, mais thématisé par saison avec des mix, je sais pas, un peu originaux ou je sais pas. Ouais. Ils pourraient essayer de faire des trucs un peu différents. Ouais. Bah, ils font quand même des trucs originaux parce que. Tu prends je sais pas si tu l'as goûté, l'énorme beignet au chocolat. Non, je l'ai pas goûté. Ouais. Oh là, il est magnifique en tout cas avec les. Oh là là là, mec. Et au début, tu vois 4,50, tu te dis, mais c'est du vol pour un donut. Ouais. Et là, ils te le sortent, tu fais. Ah ouais, non. C'est... Ouais, c'est assez bourratif. Oh. Mais après, ouais. Tu penses, tu dis, ouais, c'est un beignet classique au chocolat et tout. Mais en fait, le fait qu'il y ait dessus la ganache, enfin, la style de ganache au chocolat blanc, là. Ouais. Oh là là, c'est une tuerie. Il est vraiment très bon celui-là. C'est vrai que c'est 4,50, je crois qu'il coûtait. C'est ça, Pauline? Non, c'est pas ça? Oui. Oh, je sais plus. Il est 3 et quelques, 4 euros, un truc comme peut-être, ça. Peut-être, ouais. Et en fait, peut-être, tu te dis, tu vois, dans un supermarché, ton donut, s'il fait cette taille-là, donc tu te dis, bon, bah. Putain, le mec, il te le sort, ce truc. Il est énorme. Et d'ailleurs, dans les roulottes de Frontierland, c'est là où il le vendait. Ah oui, ok. Oui, c'est exactement. Bah, c'est celle en face de. Du train des mines, du Big Thunder Mountain. Et t'avais fait il te faisait aussi des cornets, je crois que c'était des cornets aussi avec des sauces, alors je sais plus c'était quoi. Ça c'était original aussi. Ouais. Il y a une soupe aussi d'après ce que je vois là. Oui. Ah celle-là oui, je l'ai goûté. Ça pour le coup, tu vois, voilà, ça change, c'est un peu original. Elle était comment ? Alors elle était très bonne. Le seul souci c'est que elle était légèrement, je veux pas dire froide. Tiède, c'est dommage parce qu'en fait, alors ce qui est, je sais plus si c'était celle-là, mais on a voulu la goûter un soir et on n'avait pas pu parce qu'il n'y en avait plus du tout. Et on était revenu le lendemain, oui, il me semble qu'on était revenu le lendemain parce qu'il s'était approvisionné du coup. Et mais c'est vrai que sur le moment, on a été, je crois, on avait été déçus, enfin, on s'est dit mince parce que c'est quand même un truc qui il fait pas très chaud en automne, quoi, donc. Ouais. Ça fait du bien d'en prendre une quand t'es le soir ou... Oui, complètement. C'est sympa. Mais elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Elle était à quoi ? À citrouille ou un truc comme ça, non ? Au potiron, peut-être ? Elle était potiron et il y avait de la betterave. Il y avait un peu de betterave dedans. C'est pas dans leur cornet, justement, qu'il y avait des boulettes de betterave ? Alors, je sais pas. Parce que ceux-là, franchement, je les ai pas vus, ceux-là. Il y avait des nuggets, en tout cas, ouais. On a partout les nuggets. Oui, voilà. Il y avait un burger avec de la sauce champignon. Ils ont mis du ketchup dessus et du coup ça fait comme du sang. Et... C'est ça. Bah, voilà. Mais une année. C'est une maillot qui a mal tourné. L'année d'avant, je m'en souviens, ils avaient fait au café de la brousse. Non, au Cool Post. Ils avaient fait un hot dog où en momie. T'avais la momie. Enfin, ah ouais c'était un dog momie. J'ai aucun souvenir, c'est trop bien. Et les deux un yeux, hot dog momie. Ouais, c'était les deux yeux, c'était des olives, ben des tout petits bouts d'olives noires, et t'avais la saucisse et c'était enroulé comme une momie en fait en hot dog. Alors c'était un peu cher, je trouve. C'était 8 euros. Bah, au final, bon. C'est comme le croque-monsieur, hein, donc. C'était cher. Ouais. Mais c'est trop bien ça. Mais faut franchement, faut qu'ils le remettent. C'était sympa. C'était sympa, mais il y avait d'autres trucs aussi qui n'avaient pas. Ben là, c'était pas l'année dernière, non? Ben non, c'était il y a 2 ans, du coup. Mmh. Presque. Parce que, voyez, ça remonte maintenant. Avec le Covid. Petite insertion du Maxime en plein montage une fois n'est pas coutume pour vous prévenir que la suite du podcast sera dans une qualité un peu amoindrie puisque j'ai encore une fois dû utiliser la piste de secours, la piste audio de secours. Le podcast, vous allez l'entendre en entier, il n'y a pas de souci, le contenu sera, je l'espère, tout aussi qualitatif. Ça, ce sera à vous d'en juger. N'hésitez pas, d'ailleurs, j'en profite à nous faire des retours sur le podcast, que ce soit sur Twitter, Instagram ou encore même à nous laisser une petite note. En tout cas, je vais essayer de régler ces problèmes-là pour les prochains épisodes, je vous le garantis. Et je vous laisse écouter la suite du podcast en toute tranquillité, puisque vous en êtes à peu près à la moitié. J'espère que celui-ci vous plaît et je vous laisse dans la continuité. Et il ne me semble pas qu'il y avait tout, tout ce qu'il y avait. Ils ont changé. Bon, après, ils avaient changé. Ils changent tous les ans ou ils laissent quand même quelques... Moi, je trouve que ça se répète quand même pas mal. On parlait des sablés, ouais, ça revient quand même. Oui. Bon, c'est vrai que les sablés. Après, je trouve que ce qui est dommage au niveau des sablés, c'est les sablés des vilains. Oui, ils sont un peu secs. C'est... Ouais, en fait. C'est celui, du biscuit, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis le goût. Il est légèrement trop... Enfin, c'est trop léger, en fait, pour faire la différence, finalement, entre les trois, parce que tu en as quand même un chocolat, un nature et un, je crois, framboise ou un truc comme ça. Oui, c'est un fruit rouge. Des... Framboise, c'est... Des fruits rouges, ouais. Ouais, enfin, c'est des fruits rouges, en tout cas. C'est ça. Et c'est difficile de les... Même de les différencier, des fois, tu te dis... Ouais, parce... c'est des sablés, quoi. C'est très, oui, c'est très sec. Hein. C'est très léger, en fait, au niveau du goût. Mais tu vois, bizarrement, ce qui me tente le plus là-dedans, c'est la soupe. Ah, franchement, elle était bonne. Ouais, c'est sympa. La meilleure soupe, ça... je sais pas si vous avez faim. On va en parler à la fameuse, tu m'en parles depuis. Oui, on n'en parlera pas là, tout de suite. Alors. Mais ils mettent... à une époque, il n'y avait pas de soupe. Maintenant, ils en mettent, non, des soupes. Je n'ai pas ce souvenir-là qu'il y avait des soupes avant. Et... Je trouve ça bien, tu vois, parce que je parlais au début du podcast que j'étais pas très sucré. Et du coup, voilà, proposer des snacks salés. En plus, oui, c'est vrai qu'à Halloween, il ne fait pas nécessairement chaud, surtout à Paris, quoi. Donc, avoir un truc... bon, il ne faut pas que ce soit tiède, du coup. Mais, ouais. Mais tu l'as eu tiède, ta soupe, parce que c'est pas de bol, parce que oui, c'est ça, voilà. Qui t'a filé tiède. C'est ou... ça. Je pense que c'est ça. Moi, ouais, je pense que c'est ça aussi. Ouais, je sais pas. C'est variable, ça, je pense. Ouais. Mais c'est j'ai entendu. Tu sais, le croque-monsieur de tout à l'heure que j'expliquais, moi, il était bien, et celui du copain, il était cramé autour. Quoi. Ouais, ça dépend, en fait. Soit tu tombes sur un qui est chaud, soit tu tombes sur un truc où ça va pas. Ouais, je rectifie, je crois que. Je crois qu'en fait, ce n'était pas des nuggets, ce que je vois sur le plan, là, mais c'est des beignets. C'est des beignets, oui, en fait, avec une sauce un peu aux fruits rouges. Oui, et généralement, ce n'est pas des beignets à la betterave. Ah ouais, c'est possible. Je crois que c'était des boulettes à la betterave avec une sauce. Bah, elles sont juste... Oui, il y a les beignets et les boulettes à la betterave, je pense. C'est les deux cornets différents. Et mon épouse a goûté, elle avait adoré. Ah ouais, c'est vrai. Et celui-là, si et c'est vrai que les gens n'allaient pas dessus, tu vois, de la betterave, c'est bizarre, quoi. Et oui, en fait, ça passe. Ouais, mais non, mais c'est bon. Après, c'est pas bon, betterave, c'est pas à fond le goût. Il est présent, mais c'est pas écœurant du tout. Non, et puis la betterave, c'est sucré, hein, c'est pas. C'est bah pas... oui, c'est pas. Non, ça va. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est pas une piémontaise, quoi. Voilà. Ah oui. Des beignets fourrés à la piémontaise, là. Oh non. Avec la sauce chocolat. Oh là là. Oh l'enfer. Bah, tu restes dans Halloween là. T'as le plat et le dessert dans le même. C'est ça, entre les plats dessert. Entre plat et dessert. Comme dans Charlie, la chocolaterie. Oui, oui, le chewing-gum qui fait tout l'entrée. Oui, c'est ça. Donc je crois que c'est à peu près tout pour Halloween. Bon, après, on va voir ce qu'ils vont nous proposer là dans les. Dans les saisons qui viennent, s'ils se renouvellent ou si c'est encore une fois la même chose, on va voir. Je pense que ça va être la même chose. Je ne vois pas changer. Voir, j'ai trop hâte de voir. Pauline, ce qui attend le plus, dans les... c'est les bouffées. Ah, mais en vrai, c'est ça. Hein. Genre, Je te fais un défi, Pauline. C'est qu'il fasse un Reels où tu manges. Ouais. Alors, j'ai des vidéos, mais je me suis prise, mais jamais je l'ai Non. Voilà, c'est un défi. Pauline, s'il te plaît, fais-nous des reels où tu es en train de manger. En faisant, des bruits de bouche. Ah non, l'ASMR là. Ah non. Même moi, je crois que je m'énerverais rien qu'à m'entendre. Ça se trouve, tu feras vachement de vues, tu vois. Ah, l'ASMR, non, ouais, parce que je suis là, c'est trop bien. Quand on est retourné sur le parc, le premier truc qu'elle nous a demandé, c'est quand même quelle était l'offre food sur le parc. Mais oui. Franchement. Mais oui, mais parce que franchement, on a eu des trop bonnes expériences les dernières fois où on a été. Ouais. Donc là, franchement, on pense qu'à ça. Franchement, avec ma sœur, on parle plus de ça. D'accord avec Pauline, c'est-à-dire que quand on est retourné au parc là, l'envie n'était pas forcément. C'est toujours bien de faire des attractions, mais juste marcher, tu sais. Marcher et manger ou pas, mais juste marcher, ça faisait trop du bien en fait dans le parc. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'attractions, nous, mais juste marcher, c'était bien aussi. Tu vois, quand on s'est posé au cool poste, on était bien tranquille. Mais c'est ça, si tu te poses et tout, tu fais pas forcément tout le temps des attractions et tout parce que tu connais le parc, tu as l'habitude. Mmh. Donc tu vas refaire un coup parce que voilà, ça fait un moment maintenant. Mais franchement, des fois, tu dis qu'il va juste pour. Te promener, parce que tu te, comment dire, tu te sépares du monde réel, t'es vraiment... Oui, c'est ça, c'est vraiment l'immersion. T'oublies tous tes problèmes, t'oublies vraiment tout, et puis moi, ce que j'aime le plus à Disney, vraiment, c'est un truc que je dis toujours, c'est les gens sont tellement spontanés. Genre, vraiment, il n'y a aucune gêne. Les gens, complètement. Ils se lâchent, mais et ça, j'adore. Tout le monde est en vacances, donc il n'y a pas de... Enfin, sauf quand les gens des trucs par terre, même moi, mais... Oui, il y a bien sûr des côtés... Ou des cuillères sur les canards. Négatifs, mais... Le pauvre. Mais c'est vrai que, ça, quand même. Que pour ça, franchement. Ouais, comment que bouffer, c'est la vie quand même à Disney. Ah oui, quand même. Ah oui. Et là où je suis un peu dégoûté, c'est qu'on a des amis, je pense à Danae par exemple, où elle met des photos, des snacks à Tokyo. Ouais, ouais. Ouais, Disney World, putain, on a même pas ça, nous, ça a l'air trop. Bah, on en parlait en off tout à l'heure quand t'étais pas là avec Pauline. Ah ouais, franchement, je trouve que comparé aux États-Unis, en fait, on se lance que maintenant. Je trouve qu'on est vachement. C'est ça, en fait. Et le problème, c'est que je pense que Disney se rend compte maintenant que les snacks, c'est vraiment une des grosses parties des bénéfices, en fait. C'est ça, et j'ai l'impression que c'est depuis qu'il y a eu le rachat, en fait, de Walt Disney par la Walt Disney Company qui commence à faire des changements en général puisqu'il y a eu les plans d'extension, c'est là où ils ont fait toutes les rénovations des attractions et en même temps c'est là où ils ont commencé à faire les saisons et la food qui s'est développée quoi. Donc ouais, je pense que on va voir comment ça va encore une fois évoluer, mais il y a moyen de faire encore plus quoi. J'espère que ça va bien évoluer parce que quand tu regardes sur internet, sur Instagram, le hashtag Disney, c'est un hashtag utilisé. Le Disney Food, il est utilisé mais de dingue. Mais quand tu vois les produits qui sont proposés aux États-Unis, alors bien sûr, ils sont toujours en avance, eux, ils sont vraiment, ils y vont à fond. Et ce que nous, on a à côté, c'est incroyable. Nous, les Français, on est assez exigeants en bouffe quand même. Oui, c'est une autre culture. Je sais qu'il y a un truc très populaire à Walt Disney World, c'est la turkey leg, en fait, c'est carrément une grosse cuisse de poulet quoi, mais c'est un truc vraiment géant et ils te mangent ça comme des Gaulois quoi, c'est un truc. Obélix et son sanglier. Oui, mais c'est exactement ça, tu sais. En France, on a quand même tu vas au McDo français par exemple, c'est vraiment un truc, c'est limite ils te font croire que c'est équilibré, tu vois. Bah, vous avez du pain, légumes, de la viande. Ils ont tout repeint en verre pour que ce soit. Alors que. C'est un bimac. C'est rien, ton bimac, c'est un best-of. Mais... Il y a un truc qui donne aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur Instagram, au Cars Land en Californie, ils vendent une pâte enroulée en cône. Et j'ai cru qu'elle allait dire de l'huile de moteur. Non. Mais ils vendent du 195. Bon, franchement. Et c'est une pâte en forme de cône, donc de cône comme les cozy cones. Et dedans, tu peux choisir. Donc maintenant, il y a plusieurs options, mais tu peux prendre du mac and cheese dedans. Ah oui, j'ai vu. Oh, ça, non, me parle pas de ça maintenant, j'ai faim. ça a l'air un truc. C'est ça, ça a l'air. Salé. En plus, tu fais du salé, là. Oh, ah oui, mais oui, c'est ça, en fait. Oh là là. Non, même les glaces qu'ils ont. Tu vois, les glaces, je pense que c'est un truc qu'on peut développer. Oui. Bon, je parle de glaces italiennes, genre italiennes, genre vraiment celles que tu. Oui, vois, tu vraiment, manges, avec le rouleau, enfin, enroulé, quoi. Avec la machine à l'italienne, quoi. Voilà, c'est ça. Comme le mango whip ou le pineapple whip. J'ai l'impression que, de ce que tu parles, c'est qu'ils proposent plutôt dans les autres parcs du salé, alors que chez nous, c'est beaucoup de sucré au final. Je pense que là-bas, c'est... Ouais, je pense que là-bas, c'est équivalent sucré-salé, quoi. Ils ont compris qu'il fallait. Oui, ils ont autant de salé que de sucré. Ils équilibrent les deux. Alors, c'est plutôt nous qui sommes méga sucrés, parce qu'on parle que de... Et bah, tu sais quoi, ce serait intéressant qu'on fasse une espèce de suite à cet épisode avec Danaï pour parler un peu de, des snacks et de la bouffe en général dans les parcs étrangers, quoi. Donc, voilà. On parle bouffe. Enfin, ça se voit bien que c'est que Danaï préfère boire. Donc, on est c'est vrai que Danaï préfère boire. Alors, Danaï, on parle de Danaï depuis le début, c'est WDW Walt Disney World Mania. Vous pouvez retrouver sur YouTube, Instagram, tous les liens seront en description. Donc on va pouvoir passer un peu à la saison de Noël, du coup, vu qu'on a fait Halloween, on est dans la continuité. De ce que je vois là, pour le coup, il y a plus de trucs intéressants. Je trouve personnellement qu'il y a plus de choses intéressantes, qu'il y a moins de sablés. Je vois par exemple qu'il y a des chouquettes parfois. Enfin, je veux dire, c'est trop bon les chouquettes. Le pain d'épices. Le pain d'épices. Ah non, pas le pain d'épices. Si, le pain d'épices. Oh. J'aime pas le pain d'épices. Quoi? Quoi? Tu sais que je vais vous raconter une expérience qui m'a voulu la tête. Vas-y. J'ai failli perdre la tête. Je sais plus si c'était le lundi ou le mardi. C'était entre la saison de la Reine des Neiges et la saison de Noël. Mmh. Le samedi, c'était encore la saison de Noël, à mon souvenir. Ouais, c'était ça, je crois. Et le dimanche, c'était la saison de la Reine des Neiges. Un truc comme ça. Ouais. Et le samedi, mon épouse adore, Julie adore les pains d'épices. C'est-à-dire que quand on y va, elle en prend une dizaine et puis elle les ramène à la maison, tu vois. Elle a trop raison. Ouais, c'est ça. Et sauf que quand on a pu, tu vois, il faut y retourner. Non, on va pas retourner manger les pains d'épices. Mais bref. On y va le samedi, et puis elle en prend deux, et puis elle fait « Ah, oh, j'en prendrai bien deux autres, parce que demain, c'est la Reine des Neiges, il n'y aura plus. » Je suis « Attends, demain, c'est la Reine des Neiges, on a mis le temps qu'ils mettent en place, t'inquiète pas, on va revenir à la roulotte de Frontierland, t'en auras encore. » Ah, merde. Attention. Le lendemain, on y va, et là, je découvre soupe de cabillaud. Oh non, écoute, la peau. Et là, elle rien à voir. Rien à voir, elle regarde et fait « Tu m'avais dit qu'ils allaient être là. Non, bon, on va se ramener des soupes. Du coup, crise de fou rire. Bah, je pouvais pas deviner qu'ils allaient mettre tout en place. La question, c'est avez-vous goûté la soupe de cabillaud? On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, d'accord. Voilà. Le pain d'épices est délicieux. Voilà. D'accord, donc, je le conseille. On vous le conseille. Donc, oui. J'ai pas goûté. Mais... Et les petites étoiles là, avec les paillettes blanches. C'est des étoiles. Ah oui, non, celles à la fraise. Ouais, elles sont bonnes, celles-là. Elles sont... Mais bon, le pain d'épices, c'est. Et d'ailleurs, je vous conseille un truc à la période de Noël. C'est vous allez au Disney Village, au King Ludwig Castle. Ouais. C'est, ils font un cidre chaud, épicé et tout, dans un boc en métal, enfin, sans en métal. Et ben, c'est super bon. Bah, d'ailleurs, ils font ça à Canada. Ce qui est sympa de faire aussi, justement, en période de Noël, c'est d'aller du côté du Disney Village, ben, où il y a des petits chalets, en fait. Et alors, ils sont un peu là toute l'année, mais à Noël, c'est encore plus vraiment chalet de Noël, où il me semble qu'ils vendent à certains endroits peut-être du vin chaud, il y a des bretzels, il y a vraiment toute la foot de Noël, encore plus que sur le parc à cet endroit-là. Donc, c'est prendre un petit chocolat c'est un chaud. De marché de Noël, hein. C'est un marché de Noël. Bon, c'est pas alsacien de mais non, je rigole. Allez, ça va descendre. Allez. En même temps, c'est vrai qu'ils sont connus comme des plus beaux marchés de Noël. Les marchés de Noël alsaciens sont les. Franchement, c'est. Faut le il faire faut une savoir. Fois pour venir. Ah, mais ça, moi, j'adorerais vraiment. Mais il faut savoir que quand Pauline va à Disneyland, elle ne mange que Cooking Blue Beach, puisque c'est le seul endroit où il y a de la choucroute maintenant, vu qu'il est plus haut. Oh, ça y est. Il ne faut pas croire que les Alsaciens, ils mangent que de la choucroute. Hein. C'est un mythe. Hein. C'est faux. On doit même pas manger une fois par an. Oh, non, c'est trop bon, la choucroute. Putain, mais moi, j'en mangerais même en été, moi. Ah, mais ouais, 40... complètement. Mais en 40 degrés. Mais tu crois que ça se vend en été, toi? Non, il n'y en a pas, il y en a pas. Et c'est cher. Eh bien, c'est nul. En été, c'est cher. Ah non, tu déçois, là. Je suis désolée. Bon, on reviendra c'est pas. C'est un mythe, ah, bah, non. De penser que les Alsaciens mangent que de la choucroute. C'est sûr qu'il y a de la glace à la choucroute chez vous, un truc comme ça, c'est sûr. Mais bien sûr. Mais oui, exactement. Si, alors, au Fantasia Gelati, si vous le choucroute, ouais. Faites une glace à la choucroute. Oh non. Non, mais par contre, en parlant de la période... En parlant de la période de Noël, moi, il y a un truc, une recommandation... À chaque fois, et puis, ah bon, après, ça compte pas que pour la période de Noël. Mais je sais pas si c'est le cas pour vous, mais nous, à chaque fois qu'on va à Disney, on essaye d'aller au Victoria's Homestyle Restaurant. Homestyle. Et on aime surtout y aller à la période de Noël parce qu'il y a le chocolat chaud, il y a du jus de chaud et tout. Complètement. Mais à chaque fois, il est fermé. Mais vraiment, à chaque fois qu'on veut y aller, il est fermé. Je ne sais pas pourquoi celui-là, il est tout le temps... Ou alors, c'est nous, on n'a pas de chance. Mais on n'a jamais réussi à y aller, même pas pour goûter les gaufres et tout, parce qu'il est tout le temps fermé. Ouais. Genre, il y a une période où vraiment, on y était allé, je crois, à un moment, et après, on y est retourné, je crois, 2-3 mois après, fermé. Mais vraiment, pas du tout ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Pas bol, mais c'est pas de bol et c'est dommage parce que c'est un de mes endroits préférés pour me poser sur le parc. On va en reparler après quand on sera sur Main Street. Mais ouais, c'est dommage. Mais je ne comprends pas. Alors je sais pas si. Ouais, sinon, on ne doit pas avoir de chance. C'est pas possible. Oui, c'est vrai qu'ils faisaient le chocolat avec la chantilly par-dessus et tout. Ouais. Et juste pour revenir sur Noël, il faut savoir c'est que même si on ne parle pas des menus, des restaurants, mais il y a des petites choses sucrées que vous pouvez acheter quand même. Même si vous prenez pas de menu, tu peux acheter. Tu sais, des fois dans le menu, des cupcakes. C'est pas un cupcake, c'est une sorte de chaussure de mini que tu avais fourré aux fruits rouges. Je vois. C'était à la vanille ou au chocolat blanc, je sais plus. Et tu pouvais l'acheter à part. Alors, t'en avais au Hyperion et t'avais oui, même. En coulisses, il me semble. Ouais, je crois. Je sais plus. Ouais, ouais. Et tu pouvais acheter ça au détail et c'était super bon. Et alors là, on disait que la soupe de potiron c'était bien thématisé pour Halloween, mais je vois là qu'elle est aussi en fait à Noël. Donc au final, ils sont juste la couleur du pot, ils mettent des flocons à la place. Peut-être. Ouais. Peut-être. En tout cas, c'est nouveau la soupe, il n'y en avait pas avant. Oui, ouais. Bah, tu nous parleras tout à l'heure de la soupe de cabillo. Voilà. On aura la conclusion de ton histoire. C'est ça. Tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer à Marvel, puisqu'il y a eu la saison donc Marvel pour les Anglais. Qui aura pu, mais en fait, je trouverais intéressant d'en parler, puisqu'on va voir Avengers Campus. Oui, ça peut donner une idée peut-être de... Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'ils vont reproposer les mêmes snacks qu'ils proposaient à l'époque dans l'Avengers Campus, ou est-ce qu'ils vont refaire une nouvelle carte? Je pense que ça va être de la nouveauté personnellement et qu'ils vont faire un truc peut-être même encore plus poussé avec le restaurant Pim. Je sais pas, on va voir. Ouais. Parce que t'avais un sort de chili, t'avais les cookies, t'avais. Le retour des sablés, mais cette fois-ci avec sablés. Groot. Avec Groot, voilà. T'avais des boulettes à la chantilly, mais je sais plus c'était quoi. T'avais une glace aussi Black Panther qui était super bonne. Ouais. Et t'avais des cocktails froids, des cocktails chauds. Bref, pour dire que comment... Je me posais la question de savoir, c'est est-ce qu'ils vont refaire les mêmes ou est-ce qu'ils vont faire quelque chose de totalement nouveau? Parce que les sablés, bon, c'est encore des sablés. Quoi. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de se rapprocher de ce qui se fait aux États-Unis en s'alignant sur ce qui a été fait en Californie? Alors, Il faut. Ouais, je pense. Ça serait une bonne idée, quoi. C'est-à-dire? Ils ont une offre de food, comme on l'a dit, un peu différente. Ah oui, un peu différente, oui. Ouais, donc peut-être que de se rapprocher de ce qu'ils font eux par rapport à ce qu'on a nous, donc les trucs plus classiques, cookies, sablés, voilà, des trucs plus originaux, quoi, donc à voir, ouais. Avec un peu de salé ou... Mais c'est la grande question. Mais bon, après, personnellement, je suis persuadé qu'ils vont reprendre les mêmes. Ouais. Ouais, je pense. Je sais pas si tu as goûté le. Enfin, il est super bon. C'est le gâteau cassette, c'est à la Hausson Mix. Alors en fait, ça c'est quoi? C'est une ganache, c'est du chocolat. C'est tu vois là, c'est une ganache de chocolat. C'est du chocolat comme une tablette. Ça c'est lourd. Hein. C'est vraiment lourd. C'est du chocolat qui fait à peu près un millimètre. C'est pas de la feuille, tu sais. C'est vraiment du chocolat auquel tu croques dedans et un biscuit au milieu. C'est très bourratif et c'est très bon. Ça avait l'air bon. C'est ce qui me tente le plus. Ouais, c'est très bon. Et ça ressemble beaucoup à la saison Star Wars où c'est exactement la même idée que Marvel. C'est exactement le même type, des cookies, des On peut en parler en même temps parce que c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. T'as un chili, machin, etc. Et le gâteau que t'avais avec Han Solo dans le je sais plus comment ça s'appelle. Bref, dans le mur là. C'est la même idée avec cette cassette. Oui, c'est ça. C'est un espèce de petit loup géant. Ouais. C'est ça. Tu restes dans la même. Alors sinon Star Wars, c'est plus. Alors est-ce que pareil, la question que je me posais, est-ce qu'ils vont reprendre les mêmes bases? Bon, c'est pas tout de suite qu'il est prévu le land. Alors là, pour le coup, je peux dire de manière quasi sûre que pas du tout, parce que s'ils font comme ce qui a été fait aux États-Unis, Galaxy's Edge, c'est vraiment un land à part qui est vraiment dans l'immersion, mais à 200%. Et la nourriture que tu manges dans ce land-là, c'est vraiment la nourriture que mangent en fait les habitants de la planète. La soupe bleue ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je les vois mal faire des simples cookies ou des sablés, tu vois. À mon avis, ce sera quand même plus développé. Ils seront obligés pour rentrer dans le truc, en accord avec leur land. Ils n'ont pas le choix. Et du coup, tiens, pour parler de land, avec le land à venir, justement, le Frozen. D'ailleurs, il va s'appeler comment? Il n'y a pas, il me semble, de nom encore d'annonce de nom. On va l'appeler Frozen Land. Justement, est-ce qu'ils vont proposer les mêmes types qu'ils proposaient avant? De snacks, tu vois, c'était la soupe de cabillaud. La soupe de cabillaud. J'explique la soupe de cabillaud. J'ai demandé à un cast member, il m'a dit que la bête a été pêchée fraîchement le matin dans le lac autour de BTM. Il m'a dit voilà, à l'épuisette. Cette blague, ça fait 36 ans qu'on lance. Et non, mais franchement, j'ai cru pendant 2 secondes. Hein. Sur le moment, je me suis dit, ouais, ils ont, mais pas dans le lac, mais je me suis dit, ouais, ils ont vraiment genre le matin et tout. Ils font un aller-retour à la mer. Ils passent chez Astérix, ils vont demander à l'ordre alphabétique si tu l'épluchais, tu sais. Non mais dis-nous que cette blague on l'a en tête depuis l'enregistrement du premier épisode de la 3e saison et on attendait de pouvoir la recasser. En tout cas la soupe de cabillaud est très bonne. En fait tu te dis une soupe sucrée salée comme ça, blanche tu sais, la soupe de poisson, personne n'aime forcément ça. Ça n'a pas le goût du soupe de poisson, hein, clairement. Ouais, ça, justement j'avais dit pour les jeunes. Non, moi j'aime pas le poisson. Non bah écoute, moi je suis pas fan forcément de poisson. À part du saumon, tu vois, ou le thon, un truc comme ça. Mais ça passe, quoi. Ça passe, c'est chaud. Et je me rappelle, il pleuvait, il faisait froid. Et ça faisait trop du bien. Et on s'était mis sous la chaîne café, pardon. Et on s'était mis là, après avoir pris la soupe. Et c'était super bon. Et elle passe. Et en plus, elle n'est pas épaisse. Tu sais, elle est fluide. Donc, du coup. Alors que je pense que la soupe de potiron, je ne l'ai pas essayé, mais elle doit être un peu épaisse. Enfin, je ne sais pas, Pauline, quand tu l'as bu. Mais. Mais la soupe de cabillaud n'est pas forcément épaisse, donc ça a passé. Non. Elle est petite quand même, parce que le potiron, c'est quand même... Ouais, tu sentais que c'était pas la soupe... Parce que tu sais, tu as des soupes industrielles, là, par exemple, oui. Bon, bah, c'était des marques Liebig, là, qui sont ultra vraiment... Tu sais, c'est vraiment liquide. C'est... Est-ce que tu ressentais quand même qu'il y avait de la consistance ou... Oui, ouais, il y avait de la consistance. Ouais, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit de la soupe en poudre. Non, c'est sûr que non. Ok, ouais. Et la soupe de cabillaud, pour ceux qui nous écoutent, si jamais elle revient, je pense qu'elle reviendra. Mais si elle revient, goûtez-la. Enfin, franchement, La soupe de cabillaud. Goûtez la soupe de cabillaud. Voilà, c'est goûtez-la. Et à la limite, si vous la vomissez, c'est pas grave, mais vous l'aurez goûtée. Voilà. Vous vomissez dans le lac au moins. Voilà. Dans le lac, pour nourrir les canards. Voilà, au moins. Je sais pas si c'est mieux que les bouts de bois, mais. Oh putain, arrête, m'en parle pas, pauvre bête. Mais en tout cas, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je pense que c'est quand même dans leur intérêt de créer des nouvelles offres nourriture quoi, pour les nouveaux lands, parce que ça va attirer aussi du monde. Donc, justement, la food en question, tu vois. Il faudrait de la food norvégienne ou un truc comme ça, quoi. Je sais pas s'ils vont aller aussi loin, mais franchement, oui, hein, ce serait. Ouais. Après, Alors, qu'est-ce, après, qu'est-ce que ce du serait saumon, de la fin fétiche? Ça passe, hein. Du saumon? Ouais, mais du saumon, ça se vend direct. Mais du coup, ouais, est-ce qu'ils vont faire des restos? Enfin, oui, il y aura des restos, mais on aime bien comment ça va être. Enfin, les plats, du oui, moins, la food, ça va être intéressant à voir. Franchement, je pense que. Mais je pense qu'ils vont comment? Ils vont proposer, bah, déjà, pardon, je pense qu'il va y avoir de la glace. De la glace, bah oui, bien sûr, de la glace. Est-ce qu'on pourrait faire du patin à glace sur le lac en mangeant de la glace? Je suis pas sûr, mais. Mais oui, c'est vrai que après, pas sûr que. Enfin, j'espère, comme vous dites, qu'ils vont faire quelque chose de nouveau. Mais... Ouais, ouais. T'es pas convaincu à 100%. Non, ouais. Non. Oh, non, parce que ils sont capables de dire que c'est temporaire pour faire un truc permanent. Alors ça, non, par contre. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est temporaire, on reprend le même snack. Impressionnez-nous. On aime non, la nouveauté. Moi, quand même, je suis confiant. Je pense que c'est, s'il y a un moment où changer les choses, c'est à ce moment-là, ils peuvent en jouer justement au niveau marketing. Regardez les nouveaux snacks innovants, machin, voilà, bon, à voir, on va voir. On va juste espérer qu'ils fassent pas que des magasins, tu vois. Oui, qu'il y ait aussi des stands comme il y a à Frontierland ou ouais, dans tous les autres lands. Que des magasins pour acheter un paquet de chips ou... Mais je pense qu'il y aura forcément... En plus, ça s'y prête, tu vois, il y aura, ce serait un petit village norvégien. Je vois bien une petite roulotte thématisée où ils peuvent vendre, ben voilà, comme à Frontierland, des boissons ou des glaces, etc. Donc je pense que ouais, il n'y aura pas de problème. Oui. Ça ferait au final, ça ferait un peu un land comme Fantasyland, quoi. Ça serait dans cet esprit-là, avec juste dans le. Il faudrait des dans Frozen Celebration, tu vois. Enfin, dans Frozen Land, s'ils l'appellent comme ça, il faudrait à la fois des stands de glace et des stands de ces genres de boissons cacaotées, tu sais, oui, chocolat chaud, des trucs comme avec ça. Avec des guimauves dedans. Ouais, avec ça, la, c'est avec de la crème fouettée. Enfin, je sais pas, il faudrait un truc comme ça, tu sais, avec des boissons chaudes et des. Tu vois, Pauline, t'en penses quoi, toi? Tu vois comment le truc, toi? Non, mais je suis d'accord avec toi. Il faudrait un truc comme ça parce que. Non, ça marcherait. Mais surtout les boissons chaudes, je pense. Il faudrait qu'ils fassent un stand où tu creuses un trou dans la glace et tu pêches ton propre poisson. Ton propre cabillaud. Non, mais. Non, mais vous, alors. Ils te le cuisinent devant les yeux. On a amené un jeune chef qui vous le cuisine et qui vous l'épluche et vous en faites de la soupe. Ça fera 1500 euros. N'importe quoi. Hors taxe. On est mal. Et je viens d'y penser, là, on parle des snacks et tout, et des saisons, et là, pour le coup, il y a des trucs originaux, je trouve, c'est au niveau des cocktails, parce que forcément, un cocktail, c'est de la création, hein, c'est... voilà, attends deux secondes, petit message, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool... Effectivement, rappelons-le. Ouais, faut rappeler tout le temps. Et pour le coup, alors j'en ai pas testé beaucoup parce que moi c'est soit café, soit bière, quoi, globalement. La bière de Noël. Ah bah loin. Ah non, pas la bière de Noël, j'aime pas ça. Ah, les bières rouges, j'aime pas. Bref. Oh là là. De la blonde ou rien, ou de la Guinness. Et les cocktails, on les trouve où d'ailleurs? Alors les cocktails, pour le coup, c'est dans les bars des hôtels généralement, ou alors au Sport Bar et au Billy Bob's du coup. D'accord. Okay. Ah oui. Ah, est-ce que c'est comme le Hannes Diner qui font un burger spécial maléfique? Oui, le Hannes aussi, ils font un burger spécial maléfique. Ouais. Mais je crois que c'est les seuls à faire ça dans le Disney Village. Ouais. Oui, c'est un burger qui est différent de ce qu'il y a à Hyperion, etc. Il est beaucoup plus copieux, du coup. Et, ouais. Il est mastoc. Wow. Mmh. Et même, il y a des petites cornes dessus. Oui, c'était avec un pain noir, il me semble. Ouais. D'ailleurs, j'étais surpris que Disney Village il fasse un truc comme ça, tu sais, qu'il fasse un menu mais thématisé. Tu verrais pas ouais, c'est sympa aussi. Ouais. C'est vrai. Tu verras s'il y a le refont, tu pourras les goûter. Par contre, il est costaud. Hein. Faut avoir rien dans le ventre, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a la saison du Roi Lion et de la jungle. Saison du Roi Lion et de la jungle, donc bon, on va pas refaire le coup des sablés, ils sont là. Non. Ils ont gardé le croque-monsieur. Oui. Attends, j'ai un blanc. Il y a le banana bread qui. La pâte. Oui, banana... Oh, celui-là, il est bon. La pâte choco-coco. Je voulais dire, je me trompe toujours, je confonds toujours la pâte choco-coco. Je parle du sablé choco-noisette. Celui-là. Celui-là est très bon. Ça ne dit rien, ça, le sablé choco-noisette. C'est la pâte de, d'un lion, je pense. Et c'est fourré au chocolat. Je crois que j'avais une photo en plus. C'était pas celle qu'en sucette ? Non, ça c'est la pâte choco-coco. D'accord. Ah, d'accord, oui. Oui, bah, c'est celle que allez voir sur l'Insta justement de Pauline, qui est en description. Et j'ai souvenir, oui, tu l'avais posté dans un réel, oui. Ou même en photo, je sais plus. Donc, ouais. Oui, les deux. Les deux. Le prochain réel, c'est elle vous fait de l'ASMR, des bruits de bouche pendant qu'elle mange. Et je serai là pour vérifier qu'elle le fasse. Pendant qu'elle mange une pâte. Allez, le nouveau croque-monsieur Vache-Kiri. Ouais, et du coup, ça coûte cœur sur le sablé. Ouais, il est très bon. Ouais, ok. Non, et le banana bread. Ah ouais, validé. Oh. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur. Allez, c'est le top 3. Banana bread, mango, le truc là, mango 8. Ah ouais, ça, ouais. Ouais. Et comment. Les bouchées de poulet. Voilà. Et le cabillaud. Ah, toi, les boulettes. Ah, je n'ai pas goûté celle-là. Non, mais. Le cabillaud, non, c'est top 1. C'est le top 1. Le seul défaut, c'est que j'aurais bien voulu pêcher le cabillaud moi-même, tu vois. Oui, bah oui, il faut qu'il propose cette offre-là, pêche au lac de Fontirlande. Je suis sûr que ça marcherait, en fait. Venez pêcher le poisson. Non, je me demande, c'est quand ils l'ont vidé, s'il n'y avait pas de poisson dedans. Non. Ben, je sais pas. Il y a des poissons dedans, je crois quand même, hein, mais... Moi, s'il y a des canards. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Il y a des macarons aussi, ça, c'est... Alors, je sais pas quel est le prix des macarons, mais... Moi, j'aime beaucoup ça. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir trois macarons de trois goûts différents et ça doit être assez cher. Je pense que les macarons de base, de toute façon, c'est cher. Et tu avais un donuts avec des zébrés. Zébrés, oui. Donc, et qui était super bon aussi, celui-là. Bah, tu pouvais notamment retrouver justement à la sortie du show, là, au Frontierland Theater, dans le fond, là-bas. Ça permet aussi de... Voilà. Et tu avais, à mon souvenir, tu avais une offre pendant le Royaume de la Jungle. Tu n'avais pas une offre quand tu allais à l'hôtel pour 100 euros de plus, tu pouvais avoir. Il y avait une offre avec un goûter. Oui, séance de Tintam et un goûter avec. Alors, je ne sais plus quels étaient les personnages. Si, C'était Mickey ou Minnie en explorateur. Oui, c'était ça. Voilà, bah, y avait cette offre-là. Oui, c'était au Hakuna Matata en fait, qui privatisait pour faire ce truc-là. En fait, ouais. Oui, avec Rafik. C'est ça, ouais. Tu l'as fait, Pauline, toi, ou pas ? Non. Ça t'intéresserait de faire un truc comme ça, toi ? Tu vois ce que c'est ou pas ? Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, je trouvais ça personnellement un peu cher pour au final des snacks que tu pouvais retrouver de partout. Mais c'est ça. Et juste avoir un personnage en plus, tu vois, c'est pas bon. C'est pas exceptionnel, quoi. Mais puis je me demande si le menu était pas plus cher en plus. De Hakuna Matata. C'est vrai qu'il y avait le menu inclus aussi. Là. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour des saisons. Hein. Bah ouais. Donc en bilan, c'est bien qu'ils fassent des offres en fait qui changent en fonction des saisons, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'ils se renouvellent peut-être un peu plus, qu'ils diversifient en fait de saison en saison. T'as quand même une base des sablés. Les sablés, oui, ça c'est le. Et après tout tourne autour. Voilà. Mais non, après là, quand on a parlé tout à l'heure du saison du Royaume et de la Jungle, et comme disait tout à l'heure Pauline. C'est que t'as quand même à un moment donné dans la saison ou une saison où t'as quand même des trucs qui sortent du commun. Voilà. C'est ça. Quand tu parlais du sablé, du banana bread. Oui, il y a toujours quelques produits qui se démarquent par saison. Et tu te dis, on parlait du pain d'épices qui arrive pendant la période de Noël. Bah, tu te dis, ces trucs-là, il faut les garder parce que ça sort du traditionnel muffin ou cookies. C'est clair. Donc oui, mais il faut arriver un peu plus, quoi. Ouais. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire dans les périodes à venir, mais oui, je pense que là, pour le coup, pour les saisons, ça va rester un peu pareil. Et tant qu'on n'aura pas les nouveaux lands, je les vois pas trop modifier l'offre, quoi. Ouais. Surtout que, comme on l'a vu, le kart du côté de Cars, ben c'est un peu la même chose que ce qu'ils proposaient avant. C'est encore un croque-monsieur. La coupelle de fruits, pour le coup, ça c'est un peu nouveau. On l'avait dit, c'est bien qu'il. Oui, c'est quoi cette histoire de coupelle de fruits que vous avez parlé là ? Ah, la coupelle de légumes, ok. Oui, la coupelle de fruits. Mais attends, je viens de voir un truc sur Instagram, comme quoi il y a un nouveau truc, non ? Oui, donc on disait, on vient de se rendre compte qu'il y avait une toute nouvelle offre, un nouveau produit quoi, qui est proposé au stand de Cars. Donc c'est le riolet à la compotée d'abricots. Donc c'est ce que je viens de voir sur Instagram. Ouais, pour le coup, c'est plus un dessert, donc au moins voilà, les gens qui peuvent. Moi, ça m'attire pas spécialement, mais. Non, je suis désolé, on dirait un petit pot de ma fille à la carotte. Non, c'est à tester, je pense. Il ne faut pas juger par l'apparence. Mais, c'est vrai. On dit qu'il y a toujours les mêmes produits, et pour le coup, c'est original. Pour le coup, c'est très original. Ah bah là, complètement. Benji ? Oui ! Putain, ça fait un paquet de temps qu'on fait des Max et Benji. Moi, je suis passé au rapido day one. Oui. Est-ce que ce serait pas le moment que tu arrêtes de te défiler et que tu passes aussi? Si, j'y vais, mais par contre, je vais perdre parce que au jeu de rapidité, je suis nul. Tu n'es pas précoce. Non, je ne suis pas précoce. J'aime prendre mon Tant pis temps pour toi. et argumenter. De toute façon, ça va être comme d'habitude. Donc, on va faire le rapido et on va apprendre un peu à connaître Benji du coup suite à ça, puisqu'on va pouvoir lui poser deux, trois petites questions. On va faire peut-être un peu plus court que d'habitude pour les questions, puisque c'est un podcast qui est déjà quand même pas mal long. Mais Mais plus c'est long, plus c'est bon, hein, c'est bien connu. donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler, si tu l'as sous les yeux, quel est le classement actuellement de la trois premières places? Pauline avec 27. Ok, Tony avec... bah, étonnant ça, dites donc. Oh là là. Tony, 25, et toi, 24. Ah, je suis quand même à la troisième place. Olivier, 21. Mais si, il y avait quelqu'un qui était passé devant. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui était passé devant. Non, t'es passé devant Tony, justement. Oui, c'est toi qui es passé devant ah lui. Ah, ouf. Olivier, 4e. Cédric, 18, 5e. Et Johan, 15, 6e. D'accord. Oh là, 15, Johan. Bon, arrête de parler. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Top. Film ou parc? Parc. Ok. Voiture ou train? Voiture. Passe ou billet? Passe. Hôtel Disney ou partenaire? Partenaire. Attraction sensation ou familiale? Familiale. Café gaufre ou café crêpe? Café gaufre. Frontierland ou Adventureland? Frontierland. Plaza Garden ou Grand Café? Grand Café. Pirates des Caraïbes ou Phantom Manor? Pirates des Caraïbes. Billy Bob's ou Sport Bar? Sport Bar. Disney Dreams ou Illumination? Chaud, Illumination. Petit déjeuner à l'hôtel ou sur le parc? Sur le parc. Fantasyland ou Main Street? Main Street. Star Tours version 1 ou version 2? Version 1. Restaurant ou boutique? Restaurant, boutique, boutique. Space Mountain ou Hollywood Tower Hotel? Hollywood Tower Hotel, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouh, ouf, c'est pas terrible. C'est oui. Moi, j'ai une question, du coup. Vas-y. Pourquoi hôtel partenaire et pas hôtel Disney? La caillasse, c'est... la tunasse. C'est ça, c'est terriblement cher. Et puis, ouais. J'ai pris cette habitude de prendre les hôtels partenaires. Les hôtels Disney, c'est vrai que je fais toujours les mêmes. Je fais pas, je fais toujours Santa Fe. Oh. Davy Crockett, Cheyenne. Mais je t'invite, si un jour il y a des réductions, ce qui est peu probable, à tester quand même le Sequoia Lodge, qui est... oh, c'est vraiment mon hôtel préféré, j'adore. C'est vrai, pareil. Mais oui, on en parlait avec Pauline aussi en privé, c'est vrai que depuis quelques années, là, en termes de prix, les hôtels là, Disney, c'est devenu inaccessible et quasiment du luxe, en fait. Mmh. Alors qu'il y a une période où tu pouvais avoir, avec les passes et même sans passes, des réductions quand même assez folles. Et c'était... beaucoup plus accessible là maintenant. Quand tu vois le prix d'une nuit sèche à l'hôtel Marvel, 400 balles. C'est ça. En... moi j'ai l'habitude de séjourner à l'hôtel Disney, mais là c'est plus possible. Tu vois, je vais au B&B depuis quelques séjours parce que c'est juste plus possible quoi. Ouais. Et puis il faut savoir, c'est que quand j'y vais, moi, Pauline, on est 4. Enfin, on était 3, maintenant on est 4. Donc des fois 5. Des fois 5. Nous on est 5, c'est pas. Je comprends tout à fait. Mmh. À ce niveau-là. Mais ta question, ouais. Merci pour cette question, c'est gentil. Elle anime à ma place, c'est parfait. Donc allez, Plaza Garden ou Grand Café, pourquoi? Il y a eu une petite incitation, mais c'était pour la bête. Ouais. Non, pas du tout. Ouais. Parce que j'aime bien le couscous. Voilà. Ah bah, c'est nickel. Bah, moi aussi. Voilà. J'aime bien tout ce qui est oriental et tout. Donc, Ouais, puis c'est vrai que c'est un endroit où on parlait d'originalité. Ben pour le coup, c'est oriental, alors que le reste du parc, c'est plus cuisine soit américaine, soit européenne. Donc, Et c'est aussi la nostalgie aussi du fait qu'avant, c'était pas un restaurant, c'était un lieu. Oui, un bazar. Un bazar, voilà. Un vrai bazar. Et il me manque un peu, ce vrai bazar. N'hésitez pas à aller écouter. Le lien sera en description. Ma chronique sur un ancien live de Team Magic. Voilà. Ce sera en description où je parle un peu de ça. Voilà. C'est ça. Et en fait, ça me manque un peu ce bazar. Et puis, je le retrouve un petit peu. Et puis, je sais pas, j'aime bien. C'est vrai que c'est un restaurant qui est magnifique en termes de décor, quoi. Puis, c'est vraiment, il y a plusieurs parties. Tu peux limite t'y perdre. Il y a un endroit où c'est vraiment une tente au calme. D'autres endroits où tu es au cœur du bazar. Donc, ouais. Non, mais... Et puis, je sais pas, les Casemember, ils sont. Alors, c'est pas... Et le thé à la menthe. Le Plaza Garden, des fois, c'est des fois, je dis pas tout le temps. J'ai l'impression que c'est la cantine, tu vois. Des fois, oui. Pas tout le temps. Mais quand tu vas à Gagaba Café, bah, je ne sais pas cette impression qu'il y a une... Ça ne fait pas l'impression de cantine, en fait. Tu as été, toi, Pauline, à Plaza Garden? Oui, bon, il y a un petit moment maintenant, mais le dernier qu'on a fait, c'est le Gagaba Café, du coup. Mais on n'a pas pu profiter du à volonté, parce que c'était... Et oui, avec les mesures Covid. Ben nous, tu vois, avec Benji, on a réservé au Plaza, là, et oui. Ça sera pareil, mesure Covid, ça sera pas, enfin, ah oui, ça sera pas volonté, en fait, c'est des assiettes qui t'apportent, c'est pas toi qui vas te servir, en fait. En fait, Plaza Garden, c'est bon, franchement. Oui. C'est moins original. C'est pas le contraire, c'est juste l'ambiance, en fait, qui me... Puis bon, après, j'aime bien les plats orientaux, donc... Donc, pourquoi tu préfères aller t'enfiler une binouse avec modération au sport bar plutôt qu'au Billy Bob? Parce que le sport bar, c'est sport bar, quoi. C'est sport, tu vois. Ouais, c'est sport, tu vois. Et puis, non, j'aime bien le sport bar. Tu peux être dehors et tout, comme du sport qui passe à la télé. Et vu que je suis un passionné de sport, bah. Ouais. Billy Bob, tu vois, c'est... des fois, je trouve ça trop bruyant. Tu es obligé de parler fort pour te faire entendre, ouais. Etc. Je trouve qu'à un bar, bon, c'est bruyant, mais t'es pas obligé de crier, quoi. C'est sûr. Billy Bob, je sors, j'ai des acouphènes, quoi. Donc, ouais. Même si j'aime bien le Billy Bob, hein, c'est pas une difficulté, mais j'aime bien le sport bar, je fais du sport, etc. Ouais. Allez, tiens, Star Tour, tu me semble que tu m'as dit la version 2, c'est ça? Non, une. Une, ah, ouais, super, le mec écoute. Ouais, non, parce qu'en fait, je sais que d'habitude, je dis j'adore la nouveauté. Mais en fait, voilà, c'est pour ça, ouais. Normalement, j'aime très bien la 2, même, je l'adore. Simplement, il y a un personnage qui me manque, c'est Rex. Oh là là, Rex. En fait, je dis la une que pour Rex, sinon si c'est la deux. J'écoute Rex. Voilà. Voilà. Tu le vois, mais tu vois, il est immobile, il bouge pas. Tu vois, tu le mettrais dans In the Small World, c'est pareil. Ouais. Tu vois, il est là, il bouge pas. Et toi, Pauline, Star Tours 1 ou 2? Je sais pas, vous aimez les deux? Je sais pas, le 2 est bien. Elle veut pas discriminer. Non, mais franchement, j'aime les deux. J'ai pas, le 2 est bien, le premier était très bien aussi. Oui, je suis d'accord. J'aurais bien aimé qu'il garde Rex quand même. Même si c'est très bien le 2. Y a pas de Puis moi, ce que j'aimais bien dans la version 1, c'est la file d'attente qui était, tu sais, beaucoup plus crasseuse, poussiéreuse, il était beaucoup plus grouillant. Alors que maintenant, ça fait, ben, c'est voulu, hein, donc c'est très bien, mais ça fait beaucoup plus spatioport qui est clean, quoi, vraiment, où il n'y a pas de problème. Et la première version avait vraiment l'esprit de la trilogie originale, tu sais, avec les robots un peu rouillés. C'est limite, ils vont te faire un test PCR avant de monter dans le vaisseau. Quoi. C'est un peu ça. Montrez votre narine avant de rentrer dans le Star Speeder. J'ai une fun fact sur Star Tour. Vas-y. Quand on y était, bon, y a très longtemps. Et en fait, ça me fait rire maintenant par rapport à ce qui se passe maintenant. Genre, on est entré dans le Star Tour, donc on s'est assis, j'étais avec mon papa. Et le gars, enfin le cast member qui gérait du coup notre installation, et à un moment il dit attention, regardez sur votre siège, il y a des lunettes 3D et tout, mais genre c'était une blague, tu vois, genre nous on commençait à chercher. Et quand j'y pense maintenant, que maintenant il y a les lunettes 3D, ça me fait rire, je me dis purée, s'il savait, genre maintenant. Il était précurseur. Il a prévu le truc. Qu'est-ce que tu m'as répondu pour Space Mountain ou Hollywood Tower Hotel? Ça m'intéresse. Hollywood Tower Hotel. Ah, on est d'accord. Pour la thématisation. Bah oui, c'est ça en fait. Hein. Ouais. Tout pété là, mille Jules Verne. Et alors, tiens, c'est... est-ce que ça tirait quand même qu'il la transforme comme ça s'est fait en Californie en Gardien de la Galaxie? Ou est-ce que tu tiens vraiment à cette version-là? Non mais mec, ils font... En fait, je te dirais oui. Le passionné Marvel te dirait oui, ça ne me dérangerait pas qu'il transforme en Galaxy Edge. Mais quand même... La thématisation, l'histoire de l'hôtel, tout ça, moi, ça serait un déchirement. Et puis c'est vraiment une ambiance particulière avec les casques qui jouent vraiment le jeu. Un sacrifice. D'ailleurs, pour information, j'ai cru comprendre qu'il y avait une nouvelle série la semaine prochaine sur Disney+, sur les dessous des attractions. Tout à fait, c'est ça. Et je crois... Non, c'est le 21. C'est le 21. Et je crois qu'ils vont parler de Cédric, le casse-membre. Oui, il apparaîtra à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Bref. Ouais, et de fait, je pense que ça sera un déchirement qu'une Tower Hotel disparaisse, mais ça m'étonnerait pas qu'il disparaisse, puisque le Disney Studio, c'est à la base pour l'amour du cinéma, et en fait, plus ça va, plus tu vois que ça disparaît. Et puis, quand tu vois les constructions qui se font, le Land of Marvel, il y a un bâtiment qui est littéralement collé à la tour, donc aux toilettes de la tour sur le côté. Ça fera peu de tâche. Ça serait dans la continuation. Après. Il y a un film qui a été annoncé dont la productrice Scarlett Johnson, justement sur adapté de l'attraction Hollywood Tower Hotel, J'ai beaucoup trop hâte parce que je ah suis, oui, premier, non, non, je suis le premier. La même chose, là. Je suis le premier à crier sur les remakes. À, vraiment, je trouve ça exécrable comme manière de produire. On fera peut-être un podcast là-dessus un jour, même si c'est pas Disneyland. Mais voilà, je pense que ça peut aussi leur permettre, bah, déjà, de plus payer la licence quatrième dimension, Twilight Zone, puisque du coup, ils auront un film dédié sur l'attraction et de la faire perdurer. Alors après, elle existe aussi. À Walt Disney World, où là, pour le coup, ils la transformeront jamais parce que c'est une autre architecture. Elle est vraiment au bout d'une allée pensée autrement. Donc, c'est pas non plus impossible qu'il la change à Paris en gardien. Mais voilà, peut-être que, du coup, ça va relancer le truc autour de la terreur. On va voir. Peut-être, ouais, effectivement. Donc, bon, bah écoute, je crois qu'on a fini pour ton rapido. Dernière partie. Troisième partie, parce qu'il y a un land dont on n'a pas parlé quand même. Et c'est le premier land sur lequel on tombe quand on rentre sur le parc. C'est Main Street USA. Donc là-bas, il y a vraiment des snacks de partout, mais alors vraiment de partout, quoi. C'est-à-dire que c'est boutique et snacks essentiellement. On pourrait se poser la question de pourquoi il y en a beaucoup à cet endroit-là. Ben, c'est, en fait, c'est, je pense que la réponse elle est toute simple, c'est là où les gens arrivent et partent. Voilà, c'est ça, c'est marketing. Et voilà, c'est ça, donc... La bouffe, c'est marketing à Disney, sachez-le. C'est vrai que t'arrives, tu manges, tu prends un truc à bouffer, puis tu vas faire ton attraction. C'est ça. Puis même, puis avant de partir, oh là là, j'ai une petite faim, bon, ben voilà, je vais au Casey Corner... qui est bizarrement le soir avant de partir. Ouais, qui est bizarrement un des restaurants qui est ouvert le plus tard, donc ouais, c'est ça. Hein. Ouais. La marche qui doit se faire quand même, parce que ça en sort c'est des hot dogs hein, là-bas, je crois. Oui, c'est ça, c'est des hot dogs. Ouais. Ils sont chers. Hein. Ah ouais, c'est ça, ça ils sont chers. Cher, ils sont chers. Très... Moi, ils sont chers. Hein. J'adore le cheddar, donc c'est le cheddar vraiment, je le. Oh là là, c'est à chaque fois que j'y vais, quasiment j'en prends un, mais c'est vrai que c'est cher et encore une fois, c'est vraiment un. Pas un restaurant, mais un snack, donc il n'y a pas de menu. Donc si tu veux vraiment prendre un hot dog, des frites et la boisson, ça revient un peu cher, quoi, c'est vrai. Mmh. Après, moi, je le trouve le hot dog très bon. Alors, le hot dog classique, pour le coup, c'est vraiment du pain, la saucisse, et tu mets ton ketchup mayo, donc c'est pas terrible, mais ils en font un au cheddar. Et un autre au chili, il me semble aussi, justement, que j'ai pas goûté, mais c'est assez original. C'est typiquement américain, ça. Ouais, je sais pas si vous avez goûté ça. Mais... Non. Bah, je sais que en fait je n'y vais pas parce que les hot dogs c'est pas mon truc déjà. Ouais. Et puis je trouve ça cher. Enfin, c'est cher, oui, c'est cher. C'est cher quoi. Et puis c'est t'as faim juste après quoi. Tu bouffes ton hot dog, t'as encore faim. Enfin personnellement, j'ai encore faim. Moi perso ça va. Bon après j'ai pas un estomac ultra voilà. Par contre ce que j'adore c'est la déco de ce restaurant. Vraiment ça fourmille de détails. T'as les lustres. Bah c'est très. Il y a du Coca-Cola de partout là. Pour le coup c'est vraiment tout le parc est sponsorisé. Mais c'est la boutique Coca quoi. T'as les espèces de lustres Coca-Cola et c'est complètement inspiré en fait. C'est un hommage au baseball quoi. Donc t'as une espèce de vieille machine là à jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où tu as des espèces de petits personnages comme ça de baseball, il y a les affiches. En fait, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup sur Main Street et dans tout le parc, mais encore plus Main Street, c'est que toutes les boutiques, tous les restaurants sont ultra détaillés sur les murs de partout. T'as des... En fait, littéralement, des espèces d'articles imprimés où c'est vraiment, tu peux t'immerger, t'amuser à lire, regarder les vieilles photos d'époque. C'est l'immersion, elle est totale, quoi, je trouve. Ah oui, clairement. Je bois tes paroles parce que je ne connais pas. Du tout, enfin, ah ouais, oui, je vois où il est, je vois les gens sortir, je vois les gens manger dans l'arcade. Même si tu ne manges pas, la prochaine fois on ira juste, on rentrera dedans, juste pour voir un peu quoi ça ressemble. C'est vrai que j'y vais depuis 95 Disneyland. Et parce que bah, justement, toi qui aimes bien le sport, tu vas voir que c'est trop bien en fait. Il y a plein de photos d'époque, c'est génial. C'est génial. La seule chose que je sais, c'est en faisant mes recherches dans. Pour le podcast. Dis-nous. La seule chose que je sais, c'est que c'est un hommage à un film de Disney qui s'appelle Casey à la batte. Ah ouais. Voilà. Et je crois voir dans ma tête à quoi ça ressemble. Ouais. Et c'est un vieux film qui avait été. C'est le héros du film et ça raconte l'histoire d'une équipe de baseball un peu en manque de talent, qui se voit dans leur équipe un personnage qui s'appelle Kazé, qui les aide à devenir grands, quoi. Voilà. Ouais. Mais okay. Je ne savais pas, tu vois, dis donc. Écoutez, il faudrait qu'on le trouve pour faire un Disney oublié, comme on fait d'habitude. Ouais, parce que, c'est vrai. Bonne idée. Parce que là, pour le coup, tu m'apprends un truc que je n'étais pas du tout au courant. Ouais, c'est clair. Je pensais que c'était juste un hommage au baseball. Tu non, non, c'est en faisant mes recherches pour le podcast, je me suis dit, non, non, c'est un hommage en fait au héros du film Disney, donc Kazé à la batte. Ouais. Et l'histoire de Kazé à la batte, c'est une histoire qui se situe en début 20e siècle où justement j'ai une petite équipe de baseball qui a manque de talent. Il y a Kazé qui arrive et qui les aide à... Moi, j'ai une petite question. S'ils font... un restaurant thématisé sur tout ce qui est justice, est-ce que ça s'appellera Kazé à la barre? Oh la vache! Ah là, j'y vais! oui, j'y vais, voilà. J'y vais! C'était la blague. C'est la blague de merde. En tout cas, donc le prix, okay, c'est un bémol, et l'autre petit bémol, c'est que c'est très beau, mais c'est assez petit aussi. Donc c'est souvent plein. Tu sais jamais vraiment où aller te poser. Même la terrasse, parfois, elle est pleine, donc c'est toujours un peu galère, quoi. C'est blindé. Toujours. Mais après. Ce qui est sympa à faire, c'est justement, vu que c'est le seul le soir qui est ouvert, c'est d'en prendre un. En fait, tu vois, quand il y a la période de Disney, enfin, quand il y a Disney Dream, Disney Illumination, ouais. Et ben, d'en prendre un le soir, tu vois, tu manges dehors. Complètement, ouais. En attendant. Et franchement, c'est top. Ouais, c'est top. C'est un truc à faire, ça, franchement. Avec une petite coupe de champagne pour vraiment faire fast-food d'un côté, ouais. Truc de luxe. Carrément. Champagne, t'as 10 euros le pack, 10 euros la coupe, hop, 20 euros. Oh putain, bah alors là. Je suis en train de voir si Kazé à la batte c'est sur Disney+, mais non, ça l'est pas. Ah, ça l'est pas? Oh non, je regarde. Dommage. Le lien ne sera pas en description. Non, c'est pas celui-là. Tu tapais Kazé, et la première chose c'est du film À la poursuite de demain. Ah, ah. On en reparlera. Ah. C'est tout. Ah. Qu'est-ce qu'elle a les assiettes. Donc Disney Plus France, mettez-nous Kazé à la batte s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous nous écoutez, oui, mettez-nous Kazé à la batte. Ça va être un super film parce que si c'est un hommage à un film, il doit être bien. On n'a pas que Kazé, il y a aussi, bon, on en parlait là où je prends le café le matin, le Market House Deli. Oh qui... Alors là, je n'y mange jamais, je prends juste mon café, mais à l'intérieur, comme Kazé, mais comme toutes les boutiques de Main Street, tous les restaurants, je trouve ça magnifique. Il y a les sauciflards accrochés au plafond, c'est vrai. Il n'y a pas de saucisson. Il n'y a pas. Oui, c'est ils sont accrochés au plafond, mais on ne peut pas les manger, c'est nul. C'est l'occasion. La thématique ici, elle est super parce que ça fait, c'est une épicerie fine new-yorkaise du début du XXe siècle, donc de 1900 livrettes. Et on a vraiment, là, on est immergé. Tu rentres dedans, immergé. Avec les vieilles conserves, avec les vieilles étiquettes et tout. Ça. Et ce qui est super, et le, tu sais, architecture en bois, etc. Et ce qui est génial. C'est que tu as formule petit-déj, formule déj, formule goûter. Ah, et, ça, ouais. Et ça, honnêtement, quand vous arrivez le matin, aux heures de magie en plus, direct, vous allez donc cette petite allée à droite où il y a les parasols et puis les tables. Vous prenez votre petit-déjeuner et 7 balles avec ton pass annuel, ça fait moins de 7 euros. Le petit jus de fruits, d'ailleurs, qui est bien, c'est un minute mais de petite bouteille. Le petit café plus le pain au choc ou le croissant. Ça passe facile et tu vois, comme tu dis, les gens passaient. Et en ce moment, tu as la musique de réouverture, c'est encore un délice, c'est super. Petite pause, machin. Et des fois, si vous avez un peu de chance, si vous aimez certains youtubeurs Disney, il y en a pas beaucoup, mais il y en a pas mal qui prennent leur petit déjeuner dans les heures de magie en plus. Voilà. Donc, si vous avez, voilà, si vous voulez faire des rencontres de youtubeurs Disney, n'hésitez pas à y aller. Et certains y sont le matin au petit déjeuner. Et puis la plupart sont très sympathiques. Ils acceptent de prendre une photo entre deux croissants. J'y suis notamment, mais si vous m'écoutez, vous savez pas à quoi je ressemble. Donc au moins, je pourrais prendre mon café en tout temps. Moi, on m'a reconnu l'autre fois. On m'a reconnu. Ouais, on m'a reconnu avec quand on était avec les copains. C'est trop bien. Ouais, ouais. Trop bien. Quelle star. Tu parles. Quelle star. Tu parles, Christophe. C'est un mec qui m'a reconnu. Hein, donc là-bas, on a les offres snacks et sinon, on a, y a, en fait, il y a des sandwichs pour le coup classique. Donc, il y a le jambon emmental pour le coup. Et il y a un sandwich aux légumes. Alors ça m'intrigue parce que c'est... C'est sandwich aux légumes marinés et l'air d'amour, donc emmental, quoi. Donc, c'est original. C'est référence au cabillaud, quoi. peut-être, on sait pas. Et alors là, il y a aussi un croque-monsieur, mais qui pour le coup est vraiment traditionnel. C'est pas, il est pas pareil en fait. C'est avec l'emmental qui est râpé par-dessus, il me semble, qui est un peu fondu. Ouais, c'est un demi-croque-monsieur en fait, avec jambon et fromage ou dinde et fromage. Je crois qu'il y a beaucoup d'Anglais qui l'achètent, ce croque-monsieur, non? Peut-être, ouais, je sais pas. Moi, c'est vraiment pas un truc qui m'attire, tu vois, mais. Moi non plus. Mais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est abordable comme prix quand même. Bon, 8,80€ le sandwich. Là, on se rend bien compte que sur Main Street, c'est l'endroit où t'es le plus susceptible d'acheter avant de partir, les prix sont un peu gonflés. Et alors, attention, parce que nous, on s'est fait avoir. On est arrivé trop tard pour le petit déjeuner, à un quart d'heure près. J'ai dû payer la totale. Hein. Oui, ok. J'avais plus le formule à 7€. Donc, mais c'est là où tu vois que c'est bien pensé, c'est que quand les gens partent, peut-être qu'ils vont prendre un train ou faire de la route. Et c'est vraiment des offres qui sont adaptées à emporter en fait. Donc des sandwichs ou des hot dogs, c'est vraiment adapté à ça quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc niveau thématisation, on l'a dit au top. Ensuite, on a le Cookie Kitchen. C'est ça. Bah, c'est le truc où va tout le temps Pauline. C'est le truc où tu chopes tes cookies, tu sais, Mickey. Ah, oh là, en fait, c'est le. L'ouest. C'est à l'extérieur du Cable Car Bike Shop, c'est l'espèce de petit. C'est pas un. Ouais, c'est la pâtisserie, quoi. C'est la pâtisserie. Oui, pardon, excusez-moi, j'étais à l'heure. C'est là où tu as les sucettes pop ou je sais pas quoi, là, tu sais. Ouais, il y a des sacrés bons trucs là-dedans. Ouais, mais c'est là où tu achètes, parce que dans certains de tes photos, c'est là que tu achètes cela, non? Tes cookies thématisés. Là, il y a les gros cookies avec, tu sais, les oreilles, elles sont recouvertes de chocolat fondu. Au chocolat blanc, en ce moment, il y en a beaucoup. Je vois beaucoup de photos. Et il y a aussi, c'est là où j'avais acheté aussi le sablé Bagheera et Balou. Quand il y a eu les sablés, le retour. Le retour. Et après, c'est vrai qu'ils ont des trucs vachement intéressants là-dedans. Et depuis très longtemps, parce que c'est vrai qu'on y va depuis des années, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont toujours eu des trucs sympas. Je trouve que même que ce soit leur muffin, leur cookie très simple, quoi, ils sont très très bons, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs. C'est là-bas que tu trouves un peu toutes les offres, comme on disait. Et juste à côté, tu as un endroit dans lequel j'aime le plus me poser pour prendre le goûter, en fait. En égalité avec le Victoria, c'est le Cable Car Bike Shop, que je trouve vraiment... Pareil, à l'intérieur, c'est fantastique. La déco, tu as une espèce d'allée comme ça avec... Des petites tables rondes et une espèce de pilier qui passe au milieu et des ventilateurs en haut. Et en fait, c'est sur les côtés, c'est comme s'il y avait des espèces de compartiments, du coup, justement, de tramway ou de train. Et tu peux vraiment te poser au calme, en fait, puisque c'est vraiment un peu par compartiment de ces deux sièges de trois, quoi, entre guillemets, deux bancs. Donc tu peux te mettre facilement assis là. Et ouais, moi, c'est vraiment un endroit que j'aime bien. Et justement, tu peux aller chercher ta petite confiserie au Cookie Kitchen et après aller te poser là avec un café ou quoi que ce soit. Et donc, c'est vraiment thématisé sur San Francisco et donc le tramway. Et sur les murs, tu as des espèces de schémas, en fait, ou de dessins de tramway d'époque, etc. Donc, je trouve ça super chouette. Je sais pas si c'est un endroit où vous allez aussi souvent. Non. Je passe devant. Je crois que tu as une entrée du côté des arcades. Ouais, ça aussi, les arcades. Alors, pour le coup, il n'y a pas... Enfin, tout ça, c'est relié aux arcades. Et ce qui est trop bien dans les arcades, c'est l'odeur, vraiment, justement, de tous les magasins... qui vendent de la food, qui sont à cet endroit-là. Et passer dans les arcades juste pour l'odeur, c'est trop bien, quoi. Oui, mais... après, c'est pas le... Enfin, ouais, toi, c'est pas l'endroit où tu vas naturellement. Quoi. Plus Cookie Kitchen, à la limite, tu vois. Ouais. En fait, c'est Cookie Kitchen, c'est l'endroit où il est, il absorbe beaucoup de choses. C'est ça. Que tu vois pas forcément le Cable Car Shop à côté, tu vois pas forcément... parce qu'on est tous dessus. Je crois que c'est au Cookie Kitchen, d'ailleurs, où tu peux prendre à l'extérieur, non? Oui, c'est justement à cet endroit-là. En fait, le Cable Car, il est derrière. C'est-à-dire que derrière le stand du Cookie Kitchen, t'as le Cable Car dans la continuité, en fait. C'est-à-dire c'est juste que le Cookie Kitchen, t'achètes à l'extérieur et le Cable Car, c'est à l'intérieur, en fait. Voilà. Bah, l'impression que c'est que Cable Car Shop, il est transparent par rapport à Cookie Kitchen. Si t'as pas la curiosité de rentrer, en fait, comme tu as déjà les stacks à l'extérieur, c'est un peu... Ouais. Et surtout qu'à côté, pas loin, c'est là où t'as les magasins de glace. Donc, oui, voilà, le Gibson Girl. C'est ça. Ice Cream Parlor. Parlor. Gibson Girl Ice Cream Parlor. Parlor. Parlour. Parlour. Parlour. Parlour. Parlour. pas lourde. On est encore dans les fruits de mer. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est thématique fruits de mer. La glace aux fruits de mer. Alors ça, c'est trop bon. C'est des Ben & Jerry's qui sont là-bas. Voilà, des Ben & Jerry's. Et alors, ce qu'il faut savoir, et ça, je le savais. Alors que le casé-corne, je ne savais pas. Moi aussi, je le savais, figure-toi. J'étais okay. content que tu le mettes. Vas-y, je te laisse. C'est vrai. En fait, Pauline, peut-être qu'elle le savait. Tu le savais ou pas, Pauline? Pas du tout. Elle ne sait même pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi on parle. Si. En fait, The Gibson Girl, ça te dit quelque chose ou pas? Oui, oui, oui. D'accord. Attends, non. Okay. Non, non, mais justement, je dis, vous me perdez, là. En fait, The Gibson Girl était une illustration de Charles Dana Gibson, était un hommage à l'idéal féminin américain. Mm. En gros, il avait illustré pour lui ce qu'était l'idéal féminin américain. C'était la Gibson Girl. Et c'est lui qui a créé, donc Charles Dana Gibson, du moins on prétend qu'il a créé le premier archétype de beauté américaine. Voilà. C'était un départ de représentation de femmes un peu émancipées, puisqu'on peut dire, comme tu l'as marqué là, que c'est un peu l'ancêtre de la pin-up, tu vois, américaine, donc ouais. C'est ça. Et donc c'est un hommage. C'est un hommage, ouais. Et y a justement son dessin qui est sur la devanture, en fait. Il y a une espèce de petit truc rond, en fait, où t'as justement sa tête qui est juste au-dessus du nom du snack, quoi, ouais. Moi, je savais parce que j'avais déjà, pour le lycée à l'époque, j'avais écrit un scénario, c'était un peu inspiré de l'époque victorienne, justement, et j'avais fait des recherches là-dessus, et du coup, j'avais mon personnage, il était justement inspiré comme ça, de la Gibson Girl, donc j'avais fait des recherches là-dessus, voilà. Bon. Ça devient vachement intéressant, parce qu'il y a toute une histoire derrière cette illustration, et sur l'idée, parce que c'est vrai que les pin-up, quand on pense aux pin-up, on pense aux américaines, quoi. C'est ça, tu vois. Et t'avais là t'avais des pin-up aussi dessinés, tu sais, celles qui faisaient poup poup pidou. Oui, oui. Betty Boop, voilà, Betty Boop, ouais. Donc, t'as toute une histoire. Voilà. Mais tu vois, c'est aussi ce qui est top avec Disney, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, quand on passe devant les restaurants, les boutiques, on ne sait pas nécessairement à quoi ça fait référence, et ça peut pousser à la curiosité, à voir d'où ça vient. Parfois, c'est inspiré d'œuvres Disney, parfois, c'est des trucs carrément historiques, comme là, pour le coup, d'artistes, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de creuser, quoi. Cazé Junior, Cazé, le stack Cazé Corner, ouais. Cazé Corner, aucun de nous savait que ça avait un lien avec un film, qui est pourtant apparemment un super film. Gibson Girl, c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas forcément qui est la Gibson Girl. Enfin, c'est très appréciable. Ça, tu vois, comme tu dis, c'est des détails qu'on ne voit pas forcément. C'est ça. Puis quand tu vas à Disney tous les ans, à force, ça permet toujours de découvrir des trucs. C'était un peu la curiosité, quoi. Ce qui est sympa, c'est Main Street Actu. Tiens, je pense au collègue. Là, oui, on vous fait des bisous. On vous embrasse. Mais c'est USA, le Land. En fait, j'ai pu comprendre que c'était inspiré de Chicago, si je ne me trompe pas. Alors, en fait, je crois qu'il voulait à la base faire une version justement inspirée de Chicago, qui n'a pas été validée par Michael Eisner à l'époque. Et du coup, ils sont repartis sur la version qui est inspirée en fait de Marceline, qui est la ville de Walt Disney. D'accord. Et qui est une version vraiment idéalisée d'une petite ville américaine à l'époque de l'essor justement américain à ce moment-là. Mais à la base, ils voulaient faire justement un land qui soit un Main Street qui se démarque complètement des autres, qui soit inspiré de Chicago avec un espèce de tram en hauteur, tu sais, comme on voit dans les films avec les espèces de suspensions en fer. Qui passerait comme ça sur Main Street sur le côté, et l'ambiance aurait été complètement différente, en fait. Je suis curieux de voir ça, parce que c'est vraiment une autre esthétique, limite gangster un peu, tu vois. Chicago, ça fait penser à mafieux, quoi. Mafieux, voilà. Donc ça aurait été intéressant. Ouais, Chicago, c'était un peu la ville du crime avant. C'est ça, ouais. Et comment Al Capone là-bas, ce qui est appréciable, c'est que tu vois à l'extérieur, c'est américain, et tu vas à l'intérieur, c'est aussi américain. C'est-à-dire que quand tu prends dans le Market House Deli, c'est typique new-yorkais épicerie fine. Ouais. Tu vas dans le Cable Car Shop, c'est typique de San Francisco, à l'intérieur. C'est très inspiré San Francisco, avec du piano, etc. etc. Donc, Et là où c'est très malin, c'est que tu vois, il y a deux arcades qui sont très dans un esprit américain, parce que tu as la Liberty Arcade qui parle justement de la statue de la liberté, toute la création, etc., au fil de l'arcade. Mais en fait, les arcades, c'est pas du tout américain à la base. À la base, c'est vraiment un truc qui est typiquement français, puisqu'ils sont inspirés des arcades qu'il y a à certains endroits de Paris, en fait, qui ont été conçus pour couvrir justement les intempéries, etc. Et comme à Paris, ben justement, il pleut souvent, ils ont fait ce mix-là d'arcade qui est plus un truc français qu'américain, mais en vraiment le thématisant sur la Statue de la Liberté, et de l'autre côté, toutes les inventions, les inventions, je sais plus, il y a plein de... Très intéressant aussi d'aller à la Discovery Arcade, parce qu'en fait, il y a plein de maquettes qu'ils ont achetées à l'époque d'inventeurs comme ça, visionnaires, qui avaient créé des petites machines qui marchaient pas forcément, mais voilà, c'était des inventions comme ça, donc... C'est aussi bien de passer par les arcades quand tu vas à Disney. Et d'ailleurs, j'ai une question à Pauline. Quand tu vas à Frontierland, quand tu arrives, je suppose que tu vas à Frontierland direct quand tu arrives. Ouais. Tu passes par les arcades. On fait tout ça, c'est fou. Attends, tu passes par les arcades ou tu passes par la rue centrale? Tu sais, ouais, quand tu vas dans les arcades, après, je passe, tu sais, le petit passage là. Oh, le raccourci. Le raccourci. Ouais. Toi, tu devrais être. Non, c'était une vraie, c'est tout. T'es une vraie. Toujours, attends. T'es une vraie. Il n'y a que les vrais qui passent par là. C'est ça. Alors, t'as ceux qui disent non, moi je passe par la grande porte avec. À l'époque, on pouvait aller chercher des fast-pass. Voilà. À l'époque, on pouvait chercher ton fast-pass gratuit. Gratuit. Ah, et non, pas à 8 euros minimum. Pour certaines attractions. Bref, le débat n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, à l'époque, tu pouvais regarder ton fast-pass, à attendre ton fast-pass en mangeant. Maintenant, tu vas manger tout. Oui, c'est ça. Voilà. T'as plus de temps pour manger, c'est l'avantage. Et pour manger, on peut aller aussi. Alors, quand il est ouvert, du coup, puisqu'on a constaté que c'était pas souvent le cas, ou en tout cas, c'est peut-être une question de chance, on sait pas. Il y a le Victoria Homestyle, que à la base, c'est vraiment mon repère pour prendre le goûter plus que le cable car encore. Parce que j'y allais avant même. En fait, à l'époque, c'était. C'était un peu différent, maintenant c'est un peu comme un bar, comme les bars des hôtels, tu peux boire aussi de la bière, etc. Ils te servent à table, tu vois, c'est pas comme les autres snacks où c'est nous qui allons au comptoir. Donc c'est un peu différent. Ils font des thés glacés, des milkshakes, plein de trucs. Et avant, en fait, c'était plus un espèce de fast-food snack, puisque à midi, ils vendaient des espèces de sandwich carrés, en fait, chauds. T'allais en fait chercher ton café au comptoir, c'est pas eux qui te servaient. Donc même à l'époque, j'y allais. Et depuis qu'ils font le service à table, donc avec les milkshakes, les thés glacés faits maison, j'y vais beaucoup moins parce qu'en fait, c'est comme Pauline. C'est très peu souvent ouvert quand j'y vais. Et j'y suis déjà allé une fois où c'était ouvert et j'avais attendu pas mal de temps juste pour avoir les thés glacés, en fait. Donc ouais, je pense que ça dépend de chacun. Après, c'est à l'expérience. Mais en tout cas, vous, le Victoria, est-ce que vous y allez souvent ou est-ce que vous aimez bien cet endroit-là? Pour les milkshakes. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a la vue sur le château. Ça, alors vraiment, tu te poses à une fenêtre. Et... Alors, ton expérience, Pauline, dans ce snack? Du coup, j'ai pas pu beaucoup y aller. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour le peu que j'y étais? Franchement, non. Mais en plus, tu sais que ça remonte... Maintenant, quand j'y pense, ça remonte il y a longtemps. Hein. Alors, quand on y allait, ça remonte à longtemps. T'avais pris quoi, du coup, les milkshakes? Depuis le temps, on a essayé, on n'a jamais réussi. Ouais, mais en fait... C'est vrai que c'est dommage que ce n'est pas ouvert souvent, mais il faut savoir c'est que par rapport aux autres snacks, c'est qu'ils offrent des produits assez raffinés quand même. Il y a un assortiment de petits gâteaux qui a l'air top aussi. Ouais. Ça a l'air trop. Alors, mention spéciale, c'est au thé vert. Alors moi, c'est le thé noir pêche. Ouais, c'est le thé vert. Thé vert. Voilà. Et ce qui est mieux, c'est quand tu vas te poser sur les petites tables en face en métal avec vue sur le château, tu es abrité par les arbres. Ah oui. C'est trop bien. Et alors, c'est vrai que leur thé est super bon parce que je le trouve, tu sais, il n'est pas spécialement sucré. Quand tu achètes du thé glacé, enfin de l'ice tea ou des trucs comme ça, c'est toujours très sucré. Là, tu sens vraiment que c'est artisanal, fait maison, quoi. Donc, ouais. Les milkshakes ont l'air bons aussi. Ouais, ils sont très bons, oui. Ils sont très bons. Mais c'est peut-être 11 ou 12 balles le milkshake, tu le sens passer. Hein. Oui, c'est 11 euros, c'est abusé. C'est 11 euros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le thé, 5,10 euros. Ouais. Oh, le thé, ça va. Bon, ça me dérange. Il est bien. Enfin, moi, je me souviens que c'était un bon verre. Ouais, c'est une. Ouais. C'est une bonne shop. Et c'est bien servi. C'est une shop, c'est ça. Une espèce de bocal avec une poignée. Ouais. C'est une bonne shop. Donc, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour complet de, du parc en termes de snack. Là, on a vraiment tout, tout balayé de A à Z. Oui. Les saisons, Main Street, tous les lands. Bah, du coup, il reste trois. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vous ai préparé des faux pitch. Les faux pitch. Attends. Il y en a trois. Alors, j'ai le classement sous les yeux. La première, c'est Pauline. Je veux bien finir par gagner un défi, c'est pas possible. La première, c'est Pauline avec 2. Et le deuxième, c'est Tony avec 1. Donc voilà. Le reste, bah, personne n'a jamais trouvé. Est-ce que tu peux me pitcher des attractions? Je peux faire, ou du moins la storyline. Alors attention, la première. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le faux pitch, c'est que je vais pitcher d'une façon totalement dégueulasse, avec des fautes de français, des fautes de vocabulaire, des fautes de conjugaison. Une histoire complètement incohérente. Voilà, histoire complètement incohérente, et il faut trouver ce que c'est. Attention. Prêt pour le premier faux pitch? C'est l'histoire d'un gars qui a tout détruit sur son passage, mais il y a un gros baraqué qui n'est pas content, qui veut maroufler tout ce qui appartient à la réserve. Alors ce petit gars, il va chercher de l'aide et il tombe sur des gros clowns qui se font passer pour des mercenaires. Oh purée. Ok. Bah, attends, est-ce que c'est un animé ou c'est un film? C'est un animé. Ah ouais? C'est l'histoire d'un gars qui a tout détruit sur son passage. Mais il y a un gros baraqué qui n'est pas content, qui veut maroufler tout ce qui appartient à la réserve. Alors ce petit gars, il va chercher de l'aide et il tombe sur des gros clowns qui se font passer pour des mercenaires. Je pense que la dernière phrase, il tombe sur des gros clowns qui se font passer pour des mercenaires. Je pense que ça peut vous aider. Dans quoi il y a des clowns? Dans Dumbo, il y a des clowns? Oui, j'ai pensé aussi à Dumbo. Je suis sûr. Et ça va faire... Franchement, si jamais, quand ça va être à mon tour pour la Disney oubliée, je pense que j'en parlerai. Ouais. Ah, oh bah oui, si c'est un Disney oublié. Ah, donc c'est oublié. Compliqué. Ok, donc c'est oublié. Ou à oublier. Si ça se trouve, on l'a même pas vu. Ouais, c'est un Pixar. Attends. Clown Pixar. Vieux Pixar ou un récent? Je vais vous aider. Chenille. Ah, c'est Mille et une pattes. Ouais. Bon, me donne pas le point. Je donne pas le point. C'était Mille et une pattes. En fait, ils tombent sur des. Tu l'as jamais vu? Si, mais il y a longtemps. Ouais, ah bah moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en VHS. Hein, donc... C'était Mille et une pattes, parce qu'en fait, il a tout détruit dans la réserve de la fourmilière. Et il y a les. Je crois que c'est les criquets qui arrivent. Il leur donne une partie de leur réserve aux criquets. Donc le gros baraqué, c'est le chef. Même le pitch, le vrai pitch, il est complètement. Et en fait, il va chercher des mercenaires. Et en fait, il tombe sur une bande de clowns. Enfin, sur une bande de. Oui, c'est vrai. Un peu cirque, là, comme ça. Attention, deuxième. Ok. C'est l'histoire d'un gars qui vit à la campagne. Il se retrouve à la capitale avec sa famille par hasard. Il veut vivre son rêve et pour ça, il doit aider un plus grand que lui. Mais il y a un autre gars tout ridicule qui veut les freiner dans leur rêve, mais la gloire arriva quand même. Zootopie? Non. Ok. C'est l'histoire d'un gars qui vit à la campagne. À la campagne, comme le pain. Il se retrouve à la capitale avec sa famille par hasard. Il veut vivre son rêve et pour ça, il doit aider un plus grand que lui. Mais il y a un autre gars tout ridicule, qui veut les freiner dans leurs rêves, mais la gloire arriva quand même. Qui habite à la campagne? Je pensais au Robinson, mais je pense à rien. Non. Mm-hmm. C'est un animé ou un film? La capitale. C'est un animé. Il y a une capitale, il y a une grande ville. À Paris. Voilà. Avec c'est Rémi. Enfin, Ratatouille. Oui, Ratatouille, il y a un point pour Max. Yes, lui, on fait un point. C'est Ratatouille. Parce qu'il arrive à Paris par hasard, oui. C'est en s'enfuyant. Oh purée, mais oui, oh là là, génial. Oh là là. Et le petit gars, il est plus grand que lui, bah, c'est Linguini, et puis l'autre gars tout ridicule, c'est le chef là, tout petit. Skinner qui fait des freinés, mais la gloire arrive. Ah, j'adore Ratatouille en plus. Ouais, il est bien. La BO est très bien aussi. Oh purée, oui. Dernier, c'est un animé. Ok, donc là, si je le gagne, je gagne Pauline sur ce défi. C'est un animé, c'est ça? C'est ça. Oh, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors, c'est l'histoire d'une famille. Alors, ouais, ça pourrait être un Disney oublié aussi. C'est l'histoire d'une famille. Non. Ça pourrait, j'ai pas dit que c'était. C'est l'histoire d'une famille qui sont de véritables aventuriers. Ils vont dans le désert et ils découvrent un objet magique et un nouveau compagnon pour le coup. Mais il y a un gars qui pratique la magie qui veut récupérer l'objet. C'est Aladdin. Non. Alors pour qu'il ne l'attrape pas, la famille le déguise. En famille. C'est l'histoire d'une famille qui ah, sont de véritables dont les membres sont de véritables aventuriers. Ils vont dans le désert et découvrent un objet magique et un nouveau compagnon pour le coup. Mais il y a un gars qui pratique la magie qui veut récupérer l'objet. Alors, pour qu'il ne l'attrape pas, la famille décide de déguiser leur nouveau compagnon. Attends. Moi, j'ai besoin un peu de réflexion. Vas-y. Réflexionne-toi. Réflexionnons. Réflexionnez. Allez-y, réflexionnez. Magie, désert. Ah, oui, c'est bien, bonne réflexion. Magie, oui, mais désert, à part Aladdin dans le désert... C'est un désert de sable. Oui, un désert de neige. Oui, c'est un désert de sable. Attends, dans quoi il y a du désert? Quels sont les films que j'ai pas vus dans lesquels il pourrait y avoir du désert? Grave. La savane, c'est le roi lion. Le désert. Est-ce que c'est en Chine? Hein? C'est Mulan, en Chine? Non, pas Mulan. Je sais pas, je tente des trucs. Est-ce que c'est Peter Pan? C'est Peter Pan. Oui, ça l'est. Oui, c'est ça. Non. Non, ah non, Pan. J'ai peur là. Non, mais c'était un running gag avec le Marvel. Je sais pas si tu te souviens, je disais Peter Pan à chaque truc. Ah oui, c'est vrai. C'était très drôle. C'est pas Laurence d'Arabie. C'est pas le 13e guerrier. T'es sûr c'est un animé? Oui. C'est pas un film que tu... Oui, c'est un animé. Enfin, en fait, là, elle sait qu'elle est en train de perdre contre toi. Elle veut pas. Ouais, ouais, ça m'énerve. Elle veut pas me laisser le seul point qui me ferait gagner. Non. Et du coup, tu serais dans le top 3. Est-ce que c'est à la dinde? À la dinde. De Noël. Fantasia, je sais pas. Non, je suis obligé de vous donner au moins un indice musical. Alors, c'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Hein? Picsou, ah, c'est la bande à Picsou. C'est la bande à Picsou. Non, mais t'as dit Picsou. Jamais trouvé. C'était la bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue. Oh Dieu, mais j'aurais jamais trouvé, putain. J'ai jamais vu. Bah oui, bah regarde alors. J'ai dû le voir il y a longtemps. Bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue. Oh putain, en plus ça Nagla Glaçon du Ring des Pensées, il l'aurait trouvé instantanément. C'est vraiment, il est fan de Picsou. Oh là là. Bah oui. Donc c'était ça en fait, c'est Picsou et ses neveux et Zaza qui trouvent la lampe. Désolé si tu m'écoutes Nagla, voilà, je n'ai pas été à la hauteur. Ça se trouve, lui, il va t'écouter et faire « Non, mais je l'ai depuis le début !» Mais oui, mais c'est sûr. Ouais, s'il y en a, ils doivent les avoir, ils doivent Bon, ben, victoire de Max. Yes, hop, c'est la première fois que j'ai gagné contre Pauline, un défi. Hein. Si vous pouvez m'applaudir, ouais, s'il vous plaît. Ouais, ben, un point, c'est pas ouf. Hein. Quelle belle soirée. Faux pitch, Pauline, elle est première avec 2 faux pitch trouvés. Après, c'est Tony avec 1. Et donc, du coup, c'est toi avec 1. Bam. Hop, c'est noté. C'est noté. Ben c'est nickel, on a terminé ce défi et le podcast du coup aussi. Est-ce que ça vous a plu ce petit tour des snacks? Oui, c'était vraiment, vraiment top. Ouais. Vraiment. Ouais, c'était... Franchement, il y avait de quoi dire et tout, c'était vachement intéressant. Ben, tu vois, au début, quand Benji a proposé l'idée, j'avais peur qu'on ait pas grand-chose à dire et au final, c'est l'épisode le plus long de la saison 3, là, donc... Et voilà, finalement. Ouais, finalement, c'était vraiment contre intéressant. Contre toute attente. Puis on parle beaucoup des fast-food, des services à table. J'avais d'ailleurs fait un épisode dans la première saison dédié aux services à table. Alors si vous voulez le retrouver, il faut aller au milieu du podcast en fait, parce qu'à l'époque je faisais une partie news et après le dossier. Mais c'est vrai qu'on parle moins des snacks en fait. Et ça a permis de faire un tour complet du truc, tout en gardant l'immersion, puisqu'au final on a aussi parlé des lieux qui vendaient les snacks, donc sur Main Street... Et ils sont super bien thématisés aussi, quoi. Donc, ouais, c'était grave intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que les lieux où tu achètes des snacks sont intéressants. Oui, parce que c'est vrai que c'est des lieux où on rentre, qu'on prend et on s'en va. Mais comme tu dis, par exemple, c'est vrai que le casé corner... Et oui, et voilà, au final, on ne prend pas le temps. Tu prends pas le temps, ouais. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question de savoir. C'est vrai que tu t'es dit tout à l'heure, oui, c'est un hommage au baseball. Mais en fait, oui et non, c'est aussi un hommage à un film de Disney. C'est ça. Et Gibson Girl, quand il va, voilà, tu rentres, tu prends ta glace, tu t'en vas, tu prends peut-être pas le temps de regarder, de te dire que... Donc la prochaine fois que vous allez vous jeter sur les stands de bouffe comme des morphales, et ben, prenez le temps autour de vous. Regardez voilà, j'aime. Prenez votre temps. C'est ça. Bon, en tout cas, et l'expérience podcast, Pauline, ça t'a plu? Ça change des lives? C'était top. Ouais, c'était top. C'est un autre format, c'est vraiment sympa. Bon, en tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Hein. Mais merci à vous, c'était vraiment top. Tu reviendras? Pour un podcast? C'est la question qu'on pose à tout le monde. Oui. Quoi? Est-ce que tu reviendras pour un podcast? Est-ce que si on te propose un jour, c'est un truc qui te plairait? Ah oui, bien sûr, pardon. Ouh là là. Oui, pardon. Alors, pour les gens qui nous écoutent, il est 1h18 du matin. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pauline est notre déesse à nous. Max n'ira pas déesse, mais moi je dis déesse. Oui, mais... C'est la déesse, la voiture, quoi. Pas plus. Quoi. Non, oh, pas mal. Non, moi je préfère la déesse. La déesse, la femme du dieu. comment. Elle est avec nous pour les lives. Destinés oubliés. Voilà. Et pour les lives Marvel aussi. C'est donc, ça. Et donc le prochain, je pense, sera début août où on fera un briefing. Elle fait un peu partie de l'équipe récurrente, voilà, de toute la team. Ah oui, c'est trop bien. Mmh. Et en plus, c'est une bonne rencontre. Oui. Donc, c'est gentil. Bon, je fais le malin avec les défis, mais bon, voilà, elle est plus forte, ouais. Que voulez-vous que je dise. Moi, je suis très contente aussi, vraiment. Quelle est ton actualité alors? Tu vas au parc? Oui, je bombarde de photos. Tu bombardes de photos, de vidéos, de tout. Pour que la réserve soit bonne dans le parc. Voilà, dans le téléphone. Exactement. Mais du coup, d'essayer des nouvelles choses, peut-être. Justement, je pense qu'on apprend beaucoup sur Instagram. Grâce au retour. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'innover un peu plus sur les comptes, parce que c'est vrai c'est ce qu'on disait avant avec Max, on voit beaucoup de photos qui sont similaires dans l'actualité, et c'est le moment en fait d'innover et de tenter de nouvelles choses. Complètement. Il y a un truc que tu fais, toi, qui est super marrant, c'est déjà... Je pense toujours à ce Reels-là où tu as les dessous de tes Reels. Ah, ça, j'adore, le Uber. Ça, c'est mon frère. C'est... J'attends mon Uber. Et tu avais fait un truc photo avant et après le filtre. Et comment tu fais aussi des Reels, ça, c'est drôle. Ah ouais, moi, c'est vraiment ta marque de fabrique, entre guillemets, les Reels. Je trouve ça trop cool, quoi. Puis tu arrives toujours, on en parlait avant, toujours à bien les synchroniser avec la musique, etc. Faire des trucs bien, bien calés, bien montés. Tu vois, je sais pas combien de temps tu passes à peu près en moyenne à faire un Reel, mais... Ça dépend. Non, ça dépend parce que franchement, ça dépend de la musique, des plans... Et ouais, non, ça dépend vraiment de chaque truc. Mais pas plus de 30 minutes. Ouais, c'est quand même pas mal, hein, 30 minutes pour un petit format aussi court. On a l'impression que c'est C3 Dreams quand il publie une photo, quoi. Attendez, les gars, faut que je trouve la photo. C'est ça, c'est-à-dire que lui, 30 minutes, c'est le temps que la connexion charge pour c'est ça. Le pauvre. Quand il veut faire une publication, C3 Dreams, on te parle de toi, parce qu'on sait que tu vas nous écouter. Ced, on te fait des bisous. Tes liens ne seront malheureusement pas en description cette fois-ci. Voilà. Mais justement, je voudrais rebondir dessus. Quand il prépare un TikTok, déjà il te le prépare un mois à l'avance en disant voilà, il me faut ça. Au moins il est organisé. Il est organisé, et puis quand il veut mettre une photo, bon, les gars, c'est la photo du soir, il faut que je trouve une photo, donc tu vois, il est en train de chercher sa photo du soir de chez quelqu'un d'autre. Il va la mettre, il fait alors je vais mettre telle étiquette, machin, il s'est mis vraiment une demi-heure. Mais il soigne ses présentations. Hein. Ah oui, oui. Non. Et puis c'est un très beau conte. Mmh. En tout cas, une très belle personne. Ouais, moi, j'aime bien aussi. Ouais, c'est une personne adorable. Adorable. Oui, il est gentil. Oui, très, très, très. Il n'y a pas un seul de méchant. Si, Max. Non, oh là. Bon, écoutez, c'est bon, c'est la fin du Je rigole. Est-ce que tu as de l'actualité pour ta chaîne? Alors, à part, tu bombardes à Disney, c'est ça? Pour faire des reels et des photos, comme d'habitude. C'est ça. D'accord. C'est ton actualité avec nous, du coup, chez Marvel. Et les Disney oubliés, dont les prochains. Voilà. Et je crois que Max a prévu de faire un spécial live action, je crois. Alors, je sais pas si tu veux faire en podcast. Ça, on verra. Peut-être Insta, ça sera mieux, on va voir. Parce que ici, DLP Podcast, c'est vraiment sur Disneyland Paris. Ouais. Quoi. Donc, Instagram. Ça, et alors dites-moi si ça vous intéresse. Je propose ça, Benji, j'en ai même pas parlé. J'ai eu une idée en parlant avec celle de l'autre fois. Ce serait de faire un live dédié à la... Alors, on a déjà fait un live Insta comme ça, mais là, ce serait encore plus poussé. Ce serait de faire un espèce de live YouTube, en fait, qui serait sur la photographie, mais la photographie à DLP. Et en fait, ce serait un live où je présenterais un peu toute mon évolution de photo du début où j'ai commencé à faire de la photo, quoi, en 2015, à maintenant, où je veux carrément me spécialiser en professionnel, quoi. Et alors, bien évidemment, c'est pas un live égocentré où je montre mon travail pendant 2 heures, mais ça permettrait d'expliquer à chaque fois, avec des exemples, voilà, comment trouver des pistes pour peut-être faire des trucs un peu plus originaux, trouver sa patte, etc. C'est trop bien. En lien, c'est trop bien. Toujours avec Disneyland, du coup. Donc, dites-nous si ça vous intéresse et on essaiera de mettre ça en place. Ça va être une technique. Mmh. On va voir comment faire un live sur YouTube. Mais voilà, c'est une petite idée que je lance en exclusivité. Même Benji ne savait pas. Donc, voilà. Non, mais c'est une excellente idée. Voilà. Ouais. Franchement, ouais. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés pendant aussi longtemps. Vous êtes courageux, franchement, bien joué. J'espère qu'on vous a pas donné trop trop faim non plus. Si c'est le cas, allez manger. Ouais, j'espère que vous êtes pas loin de Disney. J'espère que vous avez à manger chez vous, que vous avez mangé pendant le live s'il faut. Oui, c'est ça. J'allais dire qu'ils avaient préparé un petit truc à manger en même temps parce que. Ouais, c'est vrai. T'as peut-être prévenir avant d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Alors nous, je ne sais pas quand on va se retrouver en podcast. C'est comme vous savez, avec DLP Podcast, c'est voilà, y a pas de date. C'est quand on a envie, quand on a un sujet qui nous plaît, quand on a des invités qui nous plaisent, etc. Mais encore une fois, ce ne sera pas dans 2 ans. Pas de souci. Là, maintenant qu'on en a fait 3, je pense que c'est lancé, donc il n'y a pas de souci. On vous fait des gros bisous et à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye. Bye.